On est dans Genèse chapitre 1. Et on va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, nous nous courbons devant celui qui nous a créés. Nous courbons vers celui qui nous a établis, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a prédestinés. Seigneur, on a toutes les raisons du monde d'être à tes pieds. On te demande, pendant qu'on va regarder la Genèse, que tu puisses encore une fois nous faire voir ta gloire, nous montrer à quel point tu dépasses l'entendement que nous avons de toi. Et tu es toujours plus grand qu'on se l'imagine, tu es toujours plus grand qu'on peut penser. Donc, continue à te montrer à nous à travers les Écritures. Ton Esprit Saint puisse aussi transformer nos intelligences par les vérités qu'on apprend, afin qu'on puisse te glorifier comme tu le mérites. Amen. Y a-tu quelqu'un qui a passé du temps à chercher si Moïse, est-ce qu'il a été eu des révélations pour écrire la Genèse, ou s'il y a eu de la transmission d'informations? Quand je dis transmission d'informations, ça veut dire que des gens avant lui ont raconté l'histoire. C'est que dans une transmission, c'est ce qu'on appelle transmettre. Donc, mettons, est-ce que Moïse a appris des choses de Aaron, des choses de gens alentour de lui, ou bien non, s'il y a eu de la révélation pour écrire le livre de la Genèse. Le livre d'Exode, c'est plus compréhensif, c'est plus proche de lui. Le livre de la Genèse, mais raconte l'histoire, je dirais, de au moins 400 ans. Si Joseph est avant l'Égypte, donc c'est au moins qu'il y a eu 400 ans entre Joseph, à la fin de la Genèse, et Moïse, dans l'Exode chapitre 1. Donc il y a un 400 ans de là. Comment a-t-il? As-tu qu'ils ont fait des petites recherches? Moi, j'ai regardé un peu dans l'Exode. À l'hôpital? On va t'agacer, Pourquoi ça? Mais parce que dans l'Exode, il dit, l'Éternel, Dieu, il dit à Moïse, écris ceci dans le livre. Mm-hmm. Il ne mentionne pas que le livre. Il ne dit pas écris ceci dans la Genèse ou dans Deutéronome ou dans Nom. Mais il dit écris à plusieurs reprises, il dit ça, écris ceci Il parlait de la loi, je pense. Hein? Bien, pas tout le temps. Pas tout le temps, je pense qu'il y a des choses que oui, on pourrait dire que c'est la loi, mais d'autres choses, pas convaincu que c'est la loi comme telle. Ou bien non, c'est la loi, si tu comprends, pas nécessairement les deux tables de la loi. Non, je parle de tout ce qu'il y a eu sur mon rêve. C'est pas mal ça que je dirais. Mais il y a aussi le livre de l'Alliance. Pas du livre de l'Alliance. Tu as en Bible comme ça? Oui. Qui c'est qui t'a donné l'endroit? Le sérum de vérité. Non, mais qu'est-ce que tu dis, l'Alliance, le livre de l'Alliance? J'ai fini. Le livre de l'Alliance, c'est la loi. Ah, c'est ça, oui. Mais tu parlais du livre de l'Alliance, qui est probablement, comme tu dis, la loi, mais il l'appelle dans le livre de l'Alliance. Oui, oui, oui. Puis, comme tu avais dit l'autre semaine, je ne veux pas un grand livre, un gros livre. Vous avez droit à des idées, des opinions, et tout ça. Puis moi, j'ai regardé ça, puis je me disais, mon idée, on avait dit qu'on pouvait la partager. Oui. Moi, mon idée, c'est que c'est Dieu qui a révélé ça. Okay. Qui a dit, pareil comme il a dit dans Exode, écris ceci dans le livre. Mm-hmm. Il a dit d'écrire ceci pour la Genèse. Pour la Genèse. Puis, donc là, tu dirais tout le livre de la Genèse, les 50 chapitres. Les 50 chapitres, là, je ne peux pas te dire vraiment, François, mais en tout cas, les premiers chapitres, je dirais oui. Mm-hmm. Les chapitres de la création, tout ça, je dirais oui. Mm-hmm. Sauf que, pas sauf, Moïse était sur le mont Horeb 40 jours. OK? Dieu est pour moi 40 jours là, pour donner à Moïse ce qu'il doit écrire. C'est comme ça. Mais surtout quand il descend du mont, comment est-ce que les Hébreux ont vu son visage, comment il était, comme pour son père. Je me souviens pas du temps quand Paul comme rayonnant, étincelant et tout ça. Moi, je me dis, c'est parce que là, il vient de voir Dieu. Il vient de voir Dieu. C'est pas de visage, mais il venait de voir Dieu, tout ce qu'il avait fait, puis qu'est-ce qu'il avait dit. Mm-hmm. Puis c'est ça qui le rendait comme rayonnant comme ça. Mm-hmm. Fait que moi, je me dis que... Tu opterais pour la révélation. Moi, je me dis une bonne histoire pour ça. Non, mais tu donc, il y a d'autres idées? Moi, j'avais fouillé aussi, puis moi, c'était comme le contraire un peu, parce que moi, je pense que c'était, parce qu'il dit souvent les dieux d'Abraham, Isaac et Jacob, puis c'est comme s'il y a eu un fil conducteur qui faisait, qui savait l'histoire. Il savait l'histoire de Noé, ça avait été comme transmis de père en fils, de ceux qui croyaient. Là, tu vois, à la fin du temps en Égypte, les sages-femmes qui, par crainte de Dieu, ne veulent pas tuer, là, je me dis, il y a encore une crainte de l'Éternel qui est là. C'est pas clair, mais c'est resté une ligne. Fait que, puis je me dis, Adam, lui, quand il était dans le jardin avec Ève, là, sûrement qu'ils ont demandé à Dieu comment il a tout fait ça. Tu sais, je n'ai pas écrit, là, mais maintenant, moi, avec Ève, là, j'aurais su ça, là, ces affaires-là. Là. Fait que, ils se l'ont dit, là. Mais le fait que Moïse il a descendu de la montagne brillant comme ça, là, lumineux, là, ça donne qu'il y a plus que juste ça. Fait que c'est pas juste révélation, il y a de la transmission humaine, mais il y a aussi là, le fait que Dieu y a apparu direct, puis il y a, en tout cas, il y a de quoi, là, moi, c'est plus comme les deux, là, autrement dit. Là. Donc, les deux ont fait de la déduction. Donc, on dit, on pense que oui. Ça serait normal que... Ouais. On n'a pas de verset qui dit « Hey, bon, comme pour la loi, ça c'est clair, la montée sur mon rêve, les tonnerres, les éclairs, la voix de Dieu, et Moïse qui redescend brillant. » Donc, quand il a transmis la loi, là, on sait qu'il y a eu révélation. Là, on a vu aussi, mais je suis allé voir, Matthieu 19,4, par rapport à l'homme et la femme, là, sur le divorce. Là, il dit « Ah, Dieu, au commencement, avec là, il s'en va retoucher quelque chose qui s'est fait drette au début. » Là. Fait que là, ça vient confirmer que c'est de Dieu, que c'est pas des écrits de plus tard. Là, Oui, c'est pas que je voulais que c'est vous réalisiez des fois ce qu'on dit, et quand ça vient le temps de dire « Voici le texte », là, on cherche un peu plus. Et c'est pas si clair qu'on voudrait. Donc, il faut rester plus prudent quand on dit je crois que c'est de la révélation. Puis, parce qu'il y a des places, quelqu'un me disait cette semaine, c'est de la révélation parce qu'il n'y avait pas personne là jusqu'au 5, au 6e jour à Daniel. Donc, les premiers, il n'y avait pas personne avant. Ouais, OK. OK, donc, mais tu n'es pas marqué et Dieu révéla comment il avait fait, il a dit à Adam comment il avait fait les premiers 5 jours. Il n'a pas marqué comme ça. Donc, on peut déduire des choses, on peut voir des choses qui sont comme, qui sont normales. Et on peut aller voir la culture aussi, la culture des Juifs. Les autres, ils faisaient quoi dans leur culture pour transmettre l'information? Il y avait la transmission d'information chez les Juifs, dans leur culture. Puis il faut se souvenir, Moïse, il est entre 1500 et 2000 ans après la création. Donc, il s'est passé du temps, là. Donc, est-ce qu'ils ont réussi à transmettre l'information d'Adam jusqu'à Noé? Et à Noé, on a disparition de la race humaine, et en reste juste 8, excusez. Et là, on s'en va un peu, et on fait la Sodome et Gomorrhe, non, François, on fait la Tour de Babel, et là, on mélange toutes les langues. Donc, la transmission devient un peu plus compliquée quand on le voit comme ça. Donc, dans la transmission, et là, tu dis, hop, là, ça s'est réparti un peu partout sur la planète, mais sur la planète. Un peu plus loin, avec des langues différentes. Donc, tu t'en viens et là, tu dis... et là, on rencontre un 400 ans d'esclavage qui, tu dis, est-ce qu'il y a eu transmission? C'est pas impossible. Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'il y a eu de la révélation? Il n'y a pas de texte. S'ils avaient des textes clairs, tout le monde aurait les textes clairs et on les avait donnés. T'sais, voici les textes clairs, c'est la preuve. À partir de la loi, là, ça devient plus facile à comprendre. Tu as la loi, tu as le livre d'Exode, c'est plus proche. Exode, c'est Moïse qui naît puis qui sort de l'Égypte avec le peuple. Tu sais, l'Exode, là, c'est une période de quarantaine. On sait que tout le monde va s'en souvenir, tout le monde va raconter l'histoire, les 10 plaies d'Égypte. Ça, on comprend qu'il est proche là, de la réalité. Mais c'est le 1500 ans ou 2000 ans avant, des fois, que les gens se mentent la question. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes, des chrétiens, qui vont prendre la position, eux autres, que c'est un style littéraire qui raconte l'histoire de la création avec une histoire et non pas des faits. Les chrétiens qui croient ça. Donc, c'est pas des faits, c'est une histoire qu'on raconte, l'histoire d'Adam et Ève, l'histoire du paradis, du serpent, après, avec l'arbre, entourant l'entour de l'arbre, avec nos films, nos photos qu'on voyait. C'est une histoire pour raconter que Dieu a créé le monde et que le monde, l'être humain s'est révolté contre Dieu, a péché contre Dieu et Dieu a mis des conséquences. Mais encore là, ça prend quelqu'un pour l'avoir inventé cette histoire. Ça serait Moïse qui aurait fait l'histoire. Lui aurait fait l'histoire. La question, c'est que qu'est-ce qui détermine si tu as une histoire ou pas? C'est le style littéraire qui est dedans. Le style littéraire des trois premiers chapitres, si vous l'avez lu, c'est pas du français comme pas le journal de Montréal. Là. C'est beaucoup d'images. Puis quand on essaie d'expliquer par des faits scientifiques où là, on a de la misère à faire parler les serpents, on a de la misère à faire parler les faire marcher sur le pape, puis pas le pape, puis on a de la misère avec ces histoires-là. Puis l'arbre, y avait-tu vraiment un fruit qui donnait la mort, ou c'était pas un fruit, c'est Dieu qui était intervenu? On a des questions quand on prend le style, ou est-ce que c'est vraiment des faits? On a des questions. Il y a des questions aussi quand on prend une histoire. Les deux côtés ont des questions. Je fais juste vous dire qu'il y a des chrétiens, donc il ne faut pas partir en peur, vous entendez un chrétien, dire, moi, attends, je ne crée pas ça. Wow, il n'est pas un chrétien. T'sais. Je me souviens la première fois que j'ai lu, j'étais jeune étudiant, puis on devait lire, on avait un cours sur la Genèse, puis on était obligé de lire certains nombres de pages, puis pas toutes les mêmes pages, on prenait différentes positions. Un qui disait là, on avait 3-4 livres à lire. La première fois que j'ai lu le livre sur ses origines d'Henri Blocher, je n'ai pas chrétien. C'était ma réaction, parce que moi, là, la Bible était vraie, parce qu'elle parlait, c'était ça, puis c'était comme ça. Puis... bon, OK, on s'est arrêté, on va réfléchir. Pourquoi lui, qui se dit un chrétien, qui a le même évangile? Si j'avais pas lu la Genèse, là, j'avais lu d'autres livres de lui, Henri Blocher. 100% de la théologie, j'ai embarqué dedans, avec la théologie du péché, la théologie du salut, la théologie de Jésus-Christ, la christologie. Fantastique, le gars, il est vraiment sur la coche, là. Et on a lu sa Genèse, est-ce que ça détruit les autres livres qu'il a écrits qui semblent être vraiment bibliques et théologiquement corrects? J'ai dit, bon, OK, je vais lui donner sa chance. Là, mais c'était vraiment, j'osais avec, parler. Puis j'ai travaillé avec des gens qui avaient cette croyance-là. Et tant qu'il ne te dit pas, tu ne vois pas de différence dans sa vie chrétienne avec toi. Là. Tu sais, tous les jours de sa vie, là, quand tu travailles, tu travailles avec lui, tu es dans le ministère, tu parles de Jésus, tu es chrétien, de l'Église, tu ne vois pas de différence. Ça veut dire que lui, là, il voit ça comment? Tu sais, mettons, il ne croit pas Adam et Ève comme ça. Il y a-tu un Adam et Ève à quelque part dans l'histoire? C'est-tu les genres d'évolution? Oui. Évolution? Lui, il ne voit pas vraiment évolution. Il voit une création, mais racontée avec un style littéraire imagé. Donc, Dieu a créé. Je l'ai pas lu qu'il prenait des positions là, que chaque jour est égal à 1 million d'années, mettons. J'ai pas lu ça de lui. Mais j'ai lu ça de d'autres chrétiens qui ont dit Dieu a créé le monde, mais avec le principe de l'évolution. Donc, Dieu a fait la masse, fait une explosion, Dieu a géré l'évolution. Okay? Donc, à un moment donné, Dieu intervient puis il gère. Donc, il va mettre en place, puis là, ça va se développer pendant des millions d'années, les animaux. Il va revenir, il va mettre en place, ça va se développer, les oiseaux. Donc, ils font, ils, C'est qu'ils croient. Le problème, c'est pas quand. C'est pas le comment. Le problème, c'est quand on dit qu'il n'y a pas Dieu qui a créé. Quand il y a un Dieu qui a créé, puis le Dieu qui a créé, c'est le Dieu trinitaire qu'on croit, on peut vivre avec ces chrétiens-là. C'est pas le comment qu'il a créé qui est le plus important. Mais là, à ce moment-là, excuse François, mais comme tu sais, les hommes de Cro-Magnon, puis tout ce qu'on a appris, là, ils se trouvent avec ça, là. Je pense pas qu'ils vont employer l'exemple, là, mais là, je dis pas que M. Blocher dit ça, mais il y a des croyants qui croient ça. On appelle ça des évolutionnistes théistes. Parce que des évolutionnistes théistes. Dieu a créé le monde avec le principe de l'évolution. Donc ça, il y a des chrétiens, peut-être que vous en avez rencontré, parlé avec, c'est des bons chrétiens, puis si vous aviez posé des questions sur la Genèse, vous allez dire, ah, oui, pas chrétien. Et pourtant, quand vous parlez avec de tous les jours de la vie, là, avec l'Église, les chrétiens, la foi, le salut, le retour de Jésus, puis M. Blocher ou d'autres vont avoir le retour du Seigneur, ils ne seront pas tout à fait comme nous autres aussi. Toute l'Apocalypse, c'est plutôt... Nous autres, on l'a plus imagé, nous autres, des fois, ils l'appellent encore plus imagé. Donc, c'est la façon d'interpréter le style littéraire qui va jouer la différence. Donc, c'est pas dangereux dans un certain sens. Là. C'est pas des hérétiques, là, ceux qui pensent ça. C'est des croyants comme nous, mais en même temps, qui ont pris position. Mais quand c'est pas des gens qui vous allez dire, ben, ils croient pas en Jésus, ils croient pas à l'enfer, ils croient pas, salut, c'est par les œuvres. C'est pas ça, là. Vous pouvez jaser avec lui longtemps sans vous apercevoir qu'il ne croit pas qu'Adam et Ève a existé vraiment comme on le voit dans la Bible. Donc, les autres, Dieu a créé l'être humain a avancé, puis l'être humain, à un moment donné, a péché contre Dieu. Donc, mais comment raconter cette histoire-là? Il la raconte avec une histoire qu'on a que dans la Bible. Ceux, il y en a d'autres qui croient vraiment, moi j'en suis un de ceux-là, je crois que Dieu a créé un homme et une femme comme on voit dans les six premiers jours. Donc, la question, c'est quand vous voyez comme ça les gens qui ont des idées différentes, dire, comment tu fais fitter ça avec le contexte de... comment ça va aider le peuple juif dans le désert? Moi, c'est la question que je pose. Est-ce que ta façon de raconter, toi, ta façon que tu crois, est-ce que les gens qui étaient dans le désert ont pensé comme toi? Parce que toi, tu penses de même, c'est-tu à cause de la science que tu as entendue, là? Ou alors, si tu penses de même, juste parce que tu as lu Genèse. Tu aurais lu Genèse toute seule, là, à l'époque, des Hébreux qui l'ont, ou des Juifs qui l'ont reçu. T'aurais-tu pensé ça? Je ne suis pas sûr que tu aurais pensé ça. Tu penses de même parce qu'on a tout un arrière-plan, nous autres, avec toute l'évolution, Darwin, tout ça. On a tout ça dans notre tête. Quand on arrive dans Genèse, là, on a tendance à le voir, là. Mais je ne crois pas que peut-être les jeunes, la première génération, moi, c'était toujours ma question, vous l'avez déjà dit avec l'Apocalypse. Ma première réaction, c'est que semaine, j'essayais d'expliquer à quelqu'un comment étudier la Bible avec un ordinateur. Je disais, pas ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu t'es acheté une patente pour étudier, mais tu veux faire quoi avec ça? J'ai dit, si tu me dis qu'est-ce que tu veux faire, je vais essayer de t'aider comment faire. Mais j'ai dit, est-ce que tu veux découvrir comment les premières personnes qui ont reçu, quand Moïse avait fini d'écrire, hein, il a donné ça au peuple, tiens, ça c'est la Genèse. Lisez ça, les gars. Vous allez avoir Dieu, il faut dire lire parce qu'il n'y a pas chacun le tir de l'eau, là. Il a qu'à parler, qu'à instruire le peuple sur la création. Il voulait produire quoi avec ça? Il voulait emmener quoi avec ça? Nous, on débat des fois avec des croyants, on débat à savoir sur le comment, puis si ça a duré 7 jours, 6 jours, 7 millions d'années. Mais la question pour moi, c'est. Ça produit quoi dans ta vie quand tu as fini, là? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas juste la connaissance qui m'intéresse. Si ça produit pas rien dans ma vie chrétienne, ça sert à rien. Mais bon, on va avoir toutes des grandes théories, là, mais si ça produit pas... Les premières générations, le peuple qui a reçu, les destinataires, eux autres, ils avaient un besoin. Donc, ça a été écrit pour rencontrer leurs besoins à eux. Nous, on prend ça, puis on le lit, puis on en tire des principes pour nos vies 4-5 000 ans plus tard. Mais il faut quand on interprète, il faut interpréter ça comme la génération qui l'a reçu. Donc, comme on vient de voir, notre handicap, des fois, c'est comment ils l'ont reçu, puis comment est-ce qu'ils l'ont reçu, puis qu'est-ce qui... C'est ça qu'on fait quand on étudie les Écritures. On essaie de savoir pourquoi Moïse a écrit ça. Je l'ai parlé toute la semaine avec toutes sortes de petits groupes. Pourquoi Moïse a décidé à un moment donné... Parce que quand on prend la révélation, on prend Dieu intervient en premier. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu intervient comme dans l'Apocalypse. Dieu dit, Jean, viens ici, j'ai quelque chose à te dire, tu vas l'écrire dans un livre. Ça, c'est Dieu qui initie. Est-ce qu'on voit dans l'Exode Dieu qui initie la loi? Oui, OK. Là, on a. Mais la Genèse, on n'a pas que Dieu qui dit, viens t'asseoir, Moïse, là. Je vais te dire comment ça s'est passé. On ne l'a pas tout à fait écrit clair de même. Mais Moïse, est-ce que Moïse a eu, il a pris la décision, lui, à cause du besoin qu'il voit autour de lui, il prend, comme Paul ou comme n'importe quel autre auteur du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament, je vois un besoin et là, je vais m'asseoir et je vais écrire. Parce que Moïse, lui, là, il est en train de préparer le peuple qui va rentrer dans le pays de Canaan. Parce que le peuple qui est là, ils vont peut-être la lire une fois, la Genèse, là, une fois, deux fois, puis ils vont mourir, une grande partie du peuple meurt dans le désert. Ils meurent là, tous les 20 ans et plus, là, on sera tous morts, là. Les 20 ans et plus sont tous morts là, dans la rébellion, sans être sauvés. C'est ce qu'on a dans les Écritures. Ils n'ont pas rentré dans le pays Canaan par incrédulité. Et pendant 40 ans, le mot qui revient le plus souvent, c'est murmure contre Dieu. Mais Moïse, lui, veut que le peuple qui va prendre finalement le livre, ou les cinq livres qu'il va écrire avec l'Arche de l'Alliance, et qui vont traverser le fleuve du Jourdain, qui vont rentrer au pays de Canaan, les autres vont l'avoir dans les mains pour le futur du peuple. Donc c'est ça qu'on appelle ça la deuxième fois, qu'on appelle le Deutéronome, la deuxième fois qu'il donne la loi. Il donne la loi dans Exode, mais il va répéter la loi à la fin des 40 ans dans le désert pour que le peuple qui va rentrer au pays de Canaan ait de l'information. C'est pour ça qu'il va mettre ces cinq rouleaux-là dans l'Arche de l'Alliance, puis ils vont transporter ça avec eux autres jusqu'en terre promise. Donc, le but, c'est pas juste de me dire comment Dieu a créé les cieux et la terre, puis, là maintenant vous êtes correct, vous le savez. C'était pas juste ça. C'était un peuple qui est troublé, qui a des mauvaises compréhensions de la personne de Dieu. Ils se font une image d'un Dieu comme un veau. Ils ne sont pas très, très clairs dans leur théorie, donc dans leur théologie, je veux dire. Donc, il faut lire. Quand vous lisez, vous devez vous rappeler le but de l'auteur. C'est ça que je travaille avec un homme, là, présentement. À chaque fois qu'on s'assoit pour commencer, c'est quoi le but? C'est quoi le but de l'auteur? Parce qu'on va lire le chapitre 3, c'est quoi le but de l'auteur? Quand on s'appuie au chapitre 4, c'est quoi le but de l'auteur? Il faut que je lise le livre avec le but de l'auteur, pas avec mon but à moi, pas avec mes questions à moi. Si j'ai des questions à moi, puis je veux que le livre y réponde à mes questions, je vais les trouver probablement. Ça ne veut pas dire que c'est ce que l'auteur voulait me dire. Donc, il faut prendre une photo, ça demande de la concentration, ça demande un effort. C'est pas tout assis pour que je lis 5 minutes, puis après ça, je vais me coucher. C'est pas tout à fait de la même. C'est bon de faire ça, c'est correct. Mais si je veux comprendre dans le contexte, ça va prendre un peu plus de temps que ça. Ça demande du travail. Donc, c'est le... Puis en même temps, ça demande, si vous avez des outils, ça va encore mieux. C'est ça que le monsieur a fait, il a acheté un outil, un coffre d'outils, puis là, il essaie de s'en servir. Je vais essayer de t'aider le mieux que je peux. Il dit, quel outil tu prends? Ça te donne rien que je te dise, mes outils, toi, tu t'es acheté d'autres outils. Tu as un autre coffre d'outils, je vais essayer de t'aider avec ton coffre d'outils. Pour que tu puisses faire des études, parce que tu as acheté un coffre d'outils, tu as payé pour, donc, parce que tu veux utiliser ton coffre d'outils. Donc, je vais essayer de t'aider avec ça. Comment utiliser les outils que tu as pour arriver à étudier les Écritures? Si tu veux faire juste ce qu'on appelle une dévotion quotidienne pour toi personnellement, ben, tu as peut-être acheté trop d'outils. Tu as peut-être des outils qui ne vont pas te servir dedans. Et si tu veux étudier parce que tu veux transmettre, c'est une autre affaire aussi. Donc, on a vu qu'il y a probablement une possibilité, il y a peut-être un mix des deux, mais on est sûr d'une chose, que ce soit de la transmission ou que ce soit de la révélation, il y a eu inspiration. OK? Ça, c'est plus important que le restant. OK? Quand Dieu, Moïse est assis, soit avec l'information qu'il avait reçue, ou avec un... Parce que même les prophètes, quand ils recevaient des révélations, des visions, des rêves, quand ils s'assoyaient pour écrire ce qu'ils avaient reçu en vision, il y avait inspiration. Okay? Quand Paul s'assit pour écrire à Timothée, c'est lui qui a décidé de s'asseoir et d'écrire à Timothée, il y a inspiration. Dieu inspire, dirige l'auteur pour qu'il dise la vérité. Ça, c'est important aussi. Donc, que ce soit révélation ou inspiration, ça ne fait pas plus vérité. Là. Okay? Quand moi, je la lis, je crois, vous croyez, je l'espère, que la Bible est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Donc, je le crois. Que ce soit par inspiration ou pas par inspiration, mais par révélation ou transmission, c'est inspiré. Donc, je vais le lire avec confiance, parce que c'est la parole de Dieu. Donc, quand on s'arrête pour le chapitre 1, on se souvient Moïse, quand il va écrire la livre de Genèse, il est dans entre 80 et 120 ans. Il meurt à 120 ans. Donc, il est entre 80 et 120 ans, dans cette période-là de sa vie, qu'il va écrire. Et lui aussi, il est en train d'apprendre par rapport à Dieu. Lui aussi apprend par rapport à Dieu. Parce que quand on lit sa vie dans l'Exode, on s'aperçoit qu'il a besoin d'apprendre du tout. Du tout a besoin de savoir c'est qui le Dieu qui l'a appelé à la fin de son 80 ans, quand il dit à Buisson Ardent, viens Moïse, je t'envoie en Égypte. Lui tout doit apprendre à connaître ce Dieu-là. Les hommes de la Bible, de l'Ancien Testament, c'est des hommes et des femmes comme vous. Dieu n'a pas pris des génies qui savaient tout. Il a pris un Moïse qui était un berger, oui, il avait une éducation, il avait son intellect à lui, mais il l'a pris, puis il dit, même avec tout ce que tu as, ça ne me sert à rien, je l'ai vu il y a 40 ans, tu en as un qui était caché. Ça ne sert pas à grand-chose, toute ta connaissance, toute ton intelligence. Mais je veux te prendre tel que tu es, mais je vais te guider, je vais te montrer, je vais t'instruire, je vais te montrer qui je suis, et là, tu vas utiliser comme il faut ce que je t'avais donné quand tu es né au monde. Okay, donc, ce que mon but, c'est que je veux que tu utilises ce que je t'ai donné. Je ne t'en donne pas plus. Tu n'avais pas un 140 jusqu'à temps que je te rencontre, puis là, tu vas tomber avec un 240. Non, ça ne marche pas de même. Je t'ai créé avec un 140 de quotient, mais je t'appelle à me servir, tu vas me servir avec ton 140 de quotient aussi. Je ne te transformerai pas comme ça. Là. Donc, si tu mesurais 6 pieds, ben, tu vas encore mesurer 6 pieds, même si tu deviens chrétien. Je ne te transformerai pas. Mais je vais me révéler à toi, et parce que je me révèle à toi, tu vas utiliser ce que je t'ai donné pour me servir. Parce qu'il n'y a pas... Dieu ne m'a pas créé d'une façon telle, puis là, je deviens un chrétien, puis là, je suis obligé d'oublier comment il m'a créé, puis je deviens une nouvelle personne. Je ne suis plus comme avant. Ça ne marche pas comme ça. Donc, Moïse aussi va apprendre. La première fois qu'il voit Moïse, la première fois que Moïse voit Dieu, c'est où? En buisson. Il apprend à connaître ce Dieu-là tout d'un coup en parlant avec lui en jasant. Et Dieu lui donne un sens à la vie. Je t'appelle maintenant et je veux que tu viennes vers moi. Je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et je veux que tu viennes me servir. Je t'appelle à me servir. Je vais t'envoyer en Égypte pour délivrer mon peuple et l'emmener au pays de Canaan. Il lui dit, je t'appelle, voici la raison, voici ce que tu vas faire. Voici, moi, je vais être avec toi, je vais t'accompagner, je vais te montrer, je vais te dire quoi dire, tu vas le dire à Aaron, puis Aaron va le dire à Pharaon, et tu vas sortir mon peuple. Ça va prendre quelques temps, mais tu vas finir par sortir mon peuple et l'amener au pays de Canaan. C'est pas de la magie, là. Dieu a parlé à Moïse comme il parle à un être humain. Là. Puis Moïse, quand il a fini sa petite excursion avec la vision du buisson ardent, ben, il s'envoie à sa femme, il fait tes valises, on s'en va en Égypte. Ben, c'était pas compliqué, là. Faut pas pousser plus loin pour essayer d'embellir l'histoire, aller de Jobel par elle-même. Dieu a parlé avec un homme, et il dit, va-t'en, maintenant, j'ai quelque chose à te faire, je vais t'utiliser, mais on va aller délivrer mon peuple, mais cette fois-ci, je te demande de m'écouter. Marche en arrière de moi, pas en avant de moi, OK? Je vais te dire quoi faire. Je vais te montrer comment faire. Et même qu'on est sorti, là, tout le monde va dire gloire à Dieu, non pas gloire à Moïse. OK? Donc, c'est ça. Si tu me suis, là, ils vont dire gloire à Dieu. Mais si tu essaies de me devancer, ils vont dire gloire à Moïse. On ne veut pas ça. Donc, Moïse va apprendre. Donc, nous, on va aussi apprendre. Donc, comment, que ce soit par révélation ou par transmission, Moïse va avoir de l'information. Que ce soit des gens qui lui ont transmis l'information, il l'entend. Donc, ils vont faire de quoi avec ça? Ou s'il a rêvé une révélation, ben c'est de l'information. C'est de l'information qui arrive, peu importe comment. Que ce soit une révélation ou une transmission, je reçois de l'information, je vais agir dessus. Donc lui, il va falloir qu'il décide de « ça a-tu de l'allure, pas de l'allure? » Il me dit « tu la vérité, pas la vérité? » Quand Dieu parle, il ne faut pas penser que révélation égale tout de suite celui qui l'entend, comme Moïse ou autre, et tout d'un coup, il dit « ah, c'est Dieu qui parle! » Puis ça devient tout beau tout de suite, tout correct. Non, non. Les révélations, là, les chrétiens, en ont, il y a des gens qui en ont entendu et ne se sont pas convertis non plus. Il ne faut pas partir en peur avec ça. Là, okay? Donc, il ne faut pas spiritualiser ou embellir les gens qui ont eu l'information ou les révélations. On a tendance à mettre sur un piédestal ceux qui reçoivent la révélation. Mais ce n'est pas tout à fait ça qu'on devrait faire. Donc, le miracle est dans celui qui décide de révéler. Ce n'est pas celui qui reçoit la révélation. Celui qui reçoit la révélation, c'est un chrétien comme vous et moi, un chrétien. Une personne comme vous et moi, avec ses luttes, ses péchés, avec ses difficultés, avec ses doutes, il reçoit de la révélation aussi. Et il doit réagir dessus. Il doit réagir sur la révélation qu'il va recevoir. Donc, c'est ça qui est important. Vous avez un des plus belles exemples que vous connaissez tous, c'est notre ami Judas, qui a été 3 ans avec le plus grand maître, avec le plus grand enseignant du monde qu'il n'y en a jamais, puis finalement, il l'a vendu tout en pièces. Donc, il ne faut pas penser que quand on reçoit la révélation, puis qu'elle est bien dite, puis automatiquement, on va la croire. On va être transformé, parce que là, ça va être bien dit. Non, ça ne veut pas dire ça. Donc, mais il y en a 11 sur 12 qui l'ont reçu, qui l'ont cru, qui l'ont mis en pratique. Donc, ça, c'est Moïse. Et on a aussi le peuple. Je me souviens du peuple qui a reçu le peuple. Peuple qui a été délivré par la main de Dieu. Il avait prié pour être délivré, Dieu va le délivrer. Et il rentre au désert, sorti de la mer Rouge, rentre au désert, mais pas pour s'arrêter au désert, mais pour se rendre au pays de Canaan. Rendu au pays de Canaan, il refuse d'entrer par crainte des géants et par crainte des villes fortifiées. Et Dieu dit, OK, vous allez rester au désert pendant 40 ans. Et tous ceux d'entre vous qui ont 20 ans et plus, vous allez mourir ici, là, dans le désert. Sans jamais avoir la bénédiction que je vous avais dit que je vous donnerais quand vous sortiez du pays de Canaan. Du pays d'Égypte. C'est ce monde-là qui reçoit la Genèse. Ils ne sont pas préoccupés, eux autres, par la science, par Hubble, puis par les télescopes web. Ils ne sont pas préoccupés par ça, eux autres. Les autres, ils tournent en rond dans le milieu du désert, puis ils ne trouvent pas ça drôle, puis Dieu est là, puis ils murmurent. Mais c'est eux autres qui vont recevoir la Genèse. Et je crois que Dieu veut les instruire et veut instruire aussi la nouvelle génération, les 20 ans et moins, les autres qui vont prendre ce livre-là, puis est-ce qu'ils vont le croire ou pas? Une grande partie vont le croire, d'autres parties ne vont pas le croire. C'est toujours la même chose devant la révélation. Donc, il faut essayer de se mettre. Si j'avais été dans le désert, est-ce que je reçois le livre de la Genèse de la part de Moïse? Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je me repens de ce que j'ai dit contre Dieu? Est-ce que je me répands de mes murmures que je fais depuis des semaines ou des mois ou des années? Ou alors si je crie, je gueule encore après, puis je dis, c'est ta faute, on est là, tu sais. C'est ta faute, là, tu sais. Finalement, t'aurais dû mes années. Mais je me souviens, comme je l'ai déjà raconté, comme pour moi, le monde dans lequel je vivais était noir, pas mal, à l'âge d'alentour de ma vingtaine, et un peu avant la vingtaine, entre 15 et 25 ans à peu près. Et pour moi, le monde était comme ça, puis c'était Dieu le responsable. Parce que c'est Dieu qui avait créé ce monde-là. Et si c'était assis, la machine marchait mal, c'était la faute de lui qui l'avait créé. Donc j'étais en rébellion contre Dieu ouvertement, jusqu'à temps que je lise la Bible, des années plus tard, et que je me suis rendu compte que c'était moi le coupable, c'était pas Dieu. Et ça m'a fait tomber deux bras à terre, puis les deux oreilles molles. Je dis, oups, c'est ma faute. La race humaine, c'est la faute de la race humaine, si on est dans la merde. C'est pas Dieu. On va parler de la main droite aussi à s'en aller. N'ayez pas peur, on va en parler. Donc, Dans ce peuple-là qui le reçoit dans le désert, et leur futur, une partie du peuple, une grande partie du peuple, savent, parce que Dieu leur a dit, par Moïse, par Aaron, il leur a dit que vous allez mourir ici dans le désert. Ils savent, eux autres, qu'ils ne sortiront jamais de là. Donc, ils sont privés de la bénédiction que Dieu avait. Ils savent, puis ils semblent qu'ils vont rester là, ils vont mourir de même. Et une partie qui semble savoir que leur futur à eux, c'est qu'ils vont rentrer dans le pays Canaan. Les 20 ans et moins vont rentrer. C'est ce que Dieu a dit. Les 20 ans et moins, ils vont rentrer. Ça va pas dire que... Oui? Non, on se trouve à partir de Adam et Ève, on se trouve à quelle année? À peu près entre 1500 et 2000 ans après Jésus, après Adam et Ève. Après Adam. Oui. Ceux qui ont compté, ils disent que à peu près 1600 ans, 1700 ans à peu près. OK, parce que tu parles du pays Canaan, tu parles du pays d'Égypte, ça veut dire que les frontières de certains pays étaient déjà établies. Oui, oui, oui, oui, oui. Alors, on a 2000 ans de passé, là. Ou à peu près 2000 ans de passé. Oui, c'est ça. C'est donc, même dans... Quand Moïse va écrire, lui, il va citer des fois, comme il va dire Caïn, on va voir Caïn, est parti rencontrer sa femme au pays de Nod. Donc, le pays de Nod existait quand Moïse a parlé. Mais il dit, où est-ce que c'est Caïn est allé chercher? Mais ça ne s'appelait pas Nod quand Caïn est parti. Mais là, il dit, il est allé, comme ça, tu as dit... Il est monté vers le nord, mais nous, on va dire qu'il est allé vers le Québec, parce que le Québec existe en notre temps, on sait que ça veut dire quoi. Okay. C'est ça. S'il y avait 2000 ans, ça veut dire que la race humaine. Il y en avait du monde, là. C'est étendu à quoi? Mais attends, c'est étendu. Si vous partez comme ça, là, mettons Adam et Ève, vous descendez, puis ça s'élargit la population, jusqu'à Noé. Là, ça se referme. Okay, bon, on vient à 8. Là, encore, ça recourt à l'entonnoir, jusqu'à ça va aller, mettons, le. Tour de Babel ou Sodome et Gomorrhe. Et là, hop, ça fait des petits entonnoirs. Donc, mais ça étire et ça rapetisse. Mais le de Noé à aller à Moïse, il y a moins un autre mille ans qui s'est passé, certains. Là. Donc, c'est des grandes périodes de temps. Hein. Tu sais, on sait qu'Adam a vécu 930 ans. Donc, déjà là, il y a un mille ans de passé. Puis là, on a Noé qui va faire un autre 600 ans. Puis, donc, ça passe, là. Okay, donc, je ne suis pas un maniaque des chiffres comptés, mais ceux qui ont compté, ils disent environ 15 à 2000 ans quand Moïse arrive là, dans le décor. OK? Donc, ils ont un passé sombre, le peuple qui reçoit la Genèse, un passé sombre, le 400 ans d'esclavage, puis ils ont en partie un futur sombre, parce qu'ils savent qu'ils sont sous la malédiction de Dieu et qu'ils ne vont pas rentrer au pays Canaan. Donc, il y en a toujours quelques-uns, eux, qui sont moins... La gang des moins de 20 ans, vous savez c'est quoi des gens moins de 20 ans? Pff, l'avenir, c'est loin, on n'est pas vraiment préoccupé avec ça. OK, donc, ça, on est plutôt en train de jouer à balle. Dans cet temps-là, les hommes, les moins de 20 ans, ça devait être difficile à comprendre pour eux autres aussi. Ça venait d'où? C'était quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait ici, dans le désert? Les êtres humains se posent toujours la même grande question. Où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on fait ici? Où est-ce qu'on s'en va? Ça, c'est les grandes questions. Tout le monde se pose les mêmes choses à travers tous les genres de générations. Donc, Moïse va s'asseoir, transmission ou révélation, et il va décider d'écrire pour aider au peuple d'Israël, on va l'appeler comme ça, le peuple d'Israël, pour aider le peuple d'Israël à savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Il y a une nouvelle série sur Netflix, là, sur la planète. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Là, je vais aller l'écouter où est-ce qu'ils partent. C'est Freeman, le noir, là? Morgan Freeman. Je t'ai pas dit Dorman, mais Gorman. Morgan Freeman, c'est lui qui est l'orateur. Mm-hmm. Okay? Là, il part. J'ai commencé à écouter ça, puis j'ai dit, j'ai dit, Seigneur, je vais baisser ça, on va regarder juste les images. C'est irritant, oui. Parce qu'il dit, il part avec des milliards d'années, là, puis il essaie d'expliquer tout ça, sans Dieu, bien entendu. Là. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas qu'il voit ça différent, c'est qu'il n'y a pas de Dieu, là. Ça n'est pas Dieu. C'est l'être humain est le fruit du hasard. Mais la question que je me posais aussi, puis qu'on pourrait se poser, c'est les gens qui étaient là dans le désert, Moïse y compris, peu importe, toute la gang. Avant que Moïse s'assoie, et qu'est-ce qu'ils ont comme perception du début du monde? Nous autres, on est divisé un peu dans notre société, les évolutionnistes et les créationnistes. On a ces deux groupes-là majoritairement. Non? Mais les jeunes, à cette époque-là, ils pensaient quoi, eux? Ils pensaient qu'ils venaient d'où, eux autres? Comment c'était arrivé, la création? Tout le monde a des histoires de bateaux, hein? Tu sais, le duc, là, tu sais, le missionnaire. Guy le duc. Guy le duc, il disait que tu as des régions très, très éloignées, qui, eux, ils ont, dans leur histoire, ils ont l'origine avec un bateau, puis ça part toujours de l'arche, d'une arche, d'un bateau, là, avec un déluge. Oui, on retrouve l'histoire du déluge dans l'histoire de quelques peuples. Le déluge, c'est pas la création. Donc, le déluge, ils l'ont dedans, mais ils ont aussi, dans leur livre, une création quelconque. Okay? Mais comme eux, là, les peuples juifs, eux autres, là, c'est sûr qu'ils savent qu'il y a eu l'histoire du déluge. Là. Nous autres, on présume qu'ils le savent. On présume qu'ils le savent. Mais maintenant, est-ce que ça s'est transmis clairement comme ça? Est-ce que ça s'est transmis? Si on dit que ça s'est transmis de père en fils, on pourrait dire, bon, ils le savaient. Mais c'est où que c'est, est-ce qu'ils ont gardé l'histoire claire? Est-ce qu'on sortait? Parce que moi, le jeu du téléphone, là, on sait ça veut dire quoi. Hein? Ça change à travers les siècles, à travers les générations. Mais eux autres, faut se penser qu'eux autres, il y avait religieusement, là, je pourrais dire, les gens qui croyaient en Dieu voulaient que la génération qui suivait, savait. Donc, il essaie de transmettre le mieux possible les choses de Dieu. Donc, si vous lisez les cinq livres de Moïse, vous allez voir, comme tout à l'heure, dit les sages-femmes qui craignaient l'Éternel. Bon, là, tu n'en vois d'autres. Tu dis, bon, qu'est-ce qu'ils savaient encore? Qu'est-ce qu'ils avaient entendu? On n'a pas de toute l'information, comme je vous l'ai dit. Est-ce que Noé avait bien reçu? Est-ce que Noé a tout transmis aux générations après? Qu'est-ce qui s'était passé au déluge? Y a-tu transmis, parce qu'il y en a juste eux autres, là. On n'a pas le choix. Ou à moins qu'il y ait des écrits, qu'il décrit à quelque part, qu'il aurait pu amener avec lui des écrits de la Genèse à Noé. Donc, est-ce qu'il y avait. Il y a beaucoup de choses qu'on se pose comme questions, mais on ne les a pas toutes, les questions. Parce qu'on sait quand, par rapport à Jésus, on sait que le roi, l'empereur, il était au courant de la religion des Juifs. Il s'était renseigné, lui, là, pour... C'est quoi, là, ce mouvement-là qui vient? Il est au courant de la doctrine des Juifs et des... Pharaon, tu veux dire? Non. Du temps de Jésus. OK, OK, oui, oui. Pilate, ou je sais pas. Oh, il est au courant. Pharaon, lui, comme chef de l'Égypte, il devait être au courant aussi de la pensée quand Joseph est arrivé. S'il y avait la pensée des Juifs... Le juge y a pensé cette semaine aussi. Moïse savait probablement l'histoire des Juifs. Parce que quand il s'approche... Donc, tu ne peux pas avoir 2 millions de personnes qui vivent au milieu de toi, dans ton pays, ouais, sans savoir un peu si tu es un dirigeant, si tu es un gars qui est instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Tu peux probablement savoir c'était qui cette gang-là, d'où ce qui venait cette gang-là. Oui, c'est ça. Donc, il en savait probablement. C'est toi qui dis, la transmission, elle, naturellement, tu peux dire, ben, comme nous autres, on a entendu parler des Autochtones, on a entendu parler de l'arrivée de... Tu sais, par l'histoire, on entend parler des choses. Mais plus je suis haut placé dans la société, puis j'ai accès à l'information, comme Moïse avait accès à l'information, bien, il était peut-être au courant. C'est peut-être ça qui l'a amené à prendre la décision à 40 ans d'aller aider ses frères. Donc, il ne faut jamais sous-estimer la transmission, mais la transmission ne fait pas toujours... nous donne peut-être pas toutes les réponses, mais il y a peut-être de la révélation aussi. Bonsoir. Mais, juste, ce qui est écrit, ce qu'on a décrit, peut être lu dans toutes les générations, dans toutes les cultures, puis avoir fait son effet. Ça n'a pas une importance ultime de tout savoir. Le Chinois, lui, qui n'a pas été élevé, puis qui n'a pas été là-dedans, qui reçoit la Bible, qui va lire, le récit de la Genèse va confronter ses pensées par rapport à la création. Donc, peu importe quel ce que j'ai comme idée dans ma tête, là, Évolution, j'ai l'évolution, je suis né dans le darwinisme, mon père c'était Darwin, je sais pas quoi. Et d'un coup, je lis la Bible, pour la première fois de ma vie, je vais être confronté, dire, c'est-tu vrai ou c'est Darwin qui a raison? Je vais être confronté, peu importe que je sois chinois, asiatique, québécois, c'est ça qui est important. Quand je vais lire la Genèse, ça va confronter mes idées que j'ai sur la création du monde, les pensées que j'ai sur la création. Donc, je peux pas connaître toutes les idées que tout le monde a, parce que le chinois, lui, a pas entendu peut-être parler de ça, ou l'autre n'a pas entendu parler de ça. Là. Mais l'important, c'est que quand la Bible va nous arriver dans les mains, quelqu'un va leur parler, on va dire, ben non, la Bible nous parle qu'il y a un créateur. Ça ne s'est pas passé comme tu dis, là. Tu vas chercher ça, tout là. C'est là que la Bible va rentrer en ligne de compte. Moi, ouais, tantôt, je pensais, à partir, mettons, Adam et Ève, comme quand ils ont été, à partir du, mettons, après la chute, ils ont, Adam il a vécu 930 ans. Mm. Donc, probablement que ça s'est transmis verbalement. Il a transmis ça à ses garçons. Oui, probablement. Probablement. C'est correct de dire ça, c'est correct de le penser, ça serait logique qu'il le fasse, mais je n'ai pas de preuve biblique. Mais on pourrait dire, ça semble normal qu'il l'ait fait. Ouais. On l'aurait fait, puis on aurait dit nous autres aussi qu'est-ce qui se passait. Puis on va voir quand on va lire les textes, que, mettons, on va dire, d'où est-ce qu'il vient l'idée à Caïn et Abel de faire des sacrifices à Dieu? D'où est-ce qu'il leur vient cette idée-là? Tu dis, dans le normal, c'est peut-être les parents. Ils ont eu une révélation. Ou ils font un sacrifice, ou s'ils l'ont fait parce que les parents leur ont dit, c'est-tu le cœur qui. On est, c'est les deux premiers garçons. Là, mais, bon. Non, non. Hein? Nous, on n'a pas toute l'information. On arrive au chapitre 4, puis ils sont en train de faire des sacrifices. OK. Où est-ce qu'on dit chercher l'idée? Mais Adam et Ève doivent l'avoir dit à Caïn et Abel qui ont été chassés du paradis. Édouard, on prend ça pour acquis qu'ils l'ont fait, mais on n'a pas de texte qui dit ça clair dans même. Mais on voit qu'il semble avoir de l'information qui s'en sont passées. Pour qu'ils fassent des sacrifices à l'Éternel, bien, il y a quelque part, ils ont entendu ça, ils n'ont pas inventé ça un soir, ils ne sont pas levés. Puis, ou bien donc, si je dirais la révélation, ça devient un peu comme, OK, tout est révélation. Non, mais ils ne se sont pas réveillés un matin et ils ont dit, OK, un matin, je fais un sacrifice. Non, je ne pense pas que ça s'est passé comme ça. On sait qu'il y en a qui ne le faisaient pas. Parce qu'ils disent que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à adorer. Oui, on est trop loin. Oui, mais OK. On va venir. Mais vous allez voir qu'on a beaucoup de questions. Mais des fois, il ne faut pas s'enfarger dans le tapis avec nos questions. Et je ne vous en pas, j'en ai des questions. Mais en même temps, il faut que je me restreigne à dire qu'est-ce qui m'a été donné comme information. C'est ça que je vais comprendre. Je ne vais pas chercher à comprendre toutes les questions que j'ai. C'est pas mauvais d'en avoir les questions. C'est pas mauvais d'essayer de répondre à nos questions. Mais je dois comprendre ce qui m'a été donné. Ça, je le sais que ce qui m'a été donné, c'est là. Donc, le fait de se faire dire qu'il y a un créateur qui a créé le monde, ça a une grande influence sur la vie d'un être humain. S'il n'y a pas de créateur, si on est le produit d'un bing bang, sans qu'il y ait un être intelligent derrière ça, ça va influencer toute ma vie. Là. Ça va influencer ma vie. Là. Mais si je comprends qu'un créateur, la première question qui vient, c'est pourquoi tu m'as créé. C'est la première question qui vient dans notre tête. Pourquoi tu m'as créé? Donc, c'est la première question. Mais la première chose qu'il faut emmener, qu'il faut comprendre, qu'il faut croire en tant qu'être humain, c'est qu'il y a un créateur. Mais mon garçon croit qu'il y a un créateur, mais il ne sait pas qui est. Il ne peut pas rien faire avec. Oh, il y a un créateur. Oh, il y a un créateur. Mais il ne me parle pas, puis je ne parle pas, puis je ne sais pas ce qu'il veut, puis je ne sais pas pourquoi il l'a fait. J'ai aucune idée. Mais il y a un créateur. Ça ne sert pas grand-chose. Ça n'influence pas sa vie vraiment, parce qu'il n'y a pas de réponse à ses questions. Moi, je l'ai encouragé. Je cherche la réponse. Si tu crois qu'il y a un créateur, peu importe comment tu l'appelles, je cherche à comprendre pourquoi il t'a créé. Parce que ça n'a pas de sens. Pas de sens, son affaire. Donc, nous, on va aller vers le chapitre 1. On va aller voir qu'il y a un créateur. Donc, est-ce que les Juifs Les Égyptiens, dites-vous bien que dans le peuple juif, qui sont dans le désert, il y a une bonne partie des gens qui sont là qui ne sont pas des Juifs. Ils n'ont pas eu la révélation de transmission, mettons. Ils n'ont pas eu la transmission de père en fils. Là. C'est des gens qui ont joint le peuple juif parce qu'ils ont vu Dieu qui avait fait les 10 plaies d'Égypte, se sont joints aux Juifs, puis ils ont traversé la mer Rouge avec les Juifs, ils ont fait partie du peuple. Mais eux autres sont dans le désert, eux autres aussi tournent en rond, là. Nous aussi, on a des questions. Là. C'est qui ce Moïse-là? Là? Comment c'est qu'on est là? Comment c'est que vous parlez à Jéhovah? Nous autres, nos dieux, c'est pas ça, là. Donc, nous autres aussi, on a des questions, là. Mais la Genèse, qui va être écrite par Moïse, va confronter ces gens-là aussi, là. Elle va dire, mais t'avais entendu ça, mais là, Moïse nous dit ça, là. OK? Moïse nous dit ça, là. Hop, OK. Puis Moïse avait un petit peu de galon, parce que Il y a le mont Horeb qui s'est passé, là. Il y a les 10 plaies d'Égypte, là, ça paraît la mer Rouge. Il a monté sur le mont Horeb, on a entendu ça, les éclairs, les tonnerres, la voix de Dieu. Donc Moïse a gagné une certaine crédibilité. Quand il dit Moïse parlait, les gens habituellement écoutaient un peu, parce que c'est un gars qui avait fait des choses pas mal spéciales. Donc on l'écoutait. Ça ne veut pas dire qu'on croyait ou qu'on basait nos vies là-dessus, mais on l'écoutait au moins en partant. Mais si je ne crois pas qu'il y a un créateur, hein, que j'ai un créateur, toute notre vie change. La raison d'être de l'être humain, tout change. Mais la seule, s'il n'y a pas de créateur, buvons et mangeons, profitons de la vie parce qu'on meurt sur cette année-là. On est des bébites qui tombent à terre comme les autres bébites, puis c'est fini. Non, mais s'il y a un créateur, ça change toute l'histoire. Mais quel créateur est-ce que j'ai? C'est qui mon créateur? Puis pourquoi il m'a créé? Pourquoi m'a-t-il créé? J'ai posé la question longtemps dans ma petite tête. Pourquoi Dieu a-t-il créé les êtres humains? Pourquoi l'a-t-il fait? On va essayer de le comprendre un peu. On va lire le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 1 et 2 et 3. Je pense qu'on va faire les 7 jours de la création. Mais rappelez-vous, là, la première fois que vous avez lu la Genèse, vous aviez vos idoles, vos dieux à vous autres, votre perception de la vie, et vous autres aussi, vous aviez avant. Là. Vous autres aussi, vous n'aviez une perception de la vie avant. Hein? Avant de connaître Jésus, là, moi, je n'avais une. Moi, je n'avais une. Si un Dieu, je disais le tour, là, si un Dieu, j'en voulais. Donc, j'avais ma perception du monde. Je voyais le monde autour de moi, je n'étais pas fou, je voyais les arbres, les animaux, les êtres humains, je voyais. J'avais une perception du monde dans lequel j'existais, mais elle était fausse. Donc il faut que la Genèse vienne faire du ménage dans mes idées fausses. Ça ne fait pas de ménage, à quoi ça me sert de le lire? Non, absolument rien. Il faut qu'elle clarifie ce qu'il y a dans ma tête par rapport à l'idée que j'ai de la conception du monde. Comment est-ce qui l'a fait, pourquoi il l'a fait, et qu'est-ce qu'il attend? Parce que imaginez-vous bien, là, Dieu là, existait avant vous et moi. Là. Non, il existait, lui. On sait qu'il a toujours existé. Là. Mais pourquoi à un moment donné, il a décidé de créer? Après, je ne sais pas. J'aime pas employer le mot temps pour Dieu, parce qu'il est en dehors du temps, mais Dieu existait, puis il a décidé qu'il va créer un moment donné. Pourquoi il décide ça? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que lui, il existe, hein? Il ne dépend pas de nous, du tout. Mais nous, on dépend de lui, ça c'est sûr, nous on dépend de lui. Mais si lui meurt, toute la gang, nous autres, on meurt aussi. Mais si nous, on meurt, lui, il ne meurt pas. Lui, il continue à exister. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Et c'est important, c'est des questions fondamentales dans la vie de l'être humain, dans la vie du croyant aussi. Donc, verset 1, Gaëtan. Juste le verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, au commencement de quoi? Au commencement. Commencement du temps. Commencement du temps. Moi, je dirais au commencement de la création de l'univers, mais plutôt de la terre sur laquelle on vit. Mais les deux, les cieux et la terre, donc c'est les deux. Donc, au commencement, c'est parce qu'avant, il n'y avait pas de temps avant. Il n'y avait pas de temps. Donc, quand je dis commencement, c'est que là, il y a un commencement, il n'y avait jamais eu de commencement avant. C'est là que, parce qu'il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas d'espace, puis il n'y avait pas de matière. Donc, il n'y avait pas de, ça n'existait pas. Donc, quand Dieu va décider de créer, ça commence. Moi, j'ai un commencement, je n'ai jamais de fin, mais j'ai un commencement. Parce que j'ai été créé comme créature éternelle. Mon âme va être éternelle. Peu importe où ça va aller pour le moment, mais elle est éternelle. Mais j'ai un commencement. Dieu, lui, n'a pas ça. Dieu n'a pas de commencement. Donc, lui, il existe de tout temps. Donc, c'est au commencement du temps, de l'espace, de la matière, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça aurait pu arrêter là, puis tourner au chapitre 2. Mais il décide qu'il va révéler plus. Il va dire le comment il l'a fait. Puis il va nous dire le pourquoi il l'a fait. Il va nous dire comment je vais le faire, puis de la façon qu'il va le faire, la façon qu'il va le décrire, que ce soit révélation ou transmission, c'est comme s'il l'a fait de même. Il va contrecarrer, il va s'attaquer à toutes les pensées erronées du monde. Si vous avez le temps, du temps, vous pouvez regarder les religions de ce monde, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils croient par rapport au début de l'humanité. Donc, qu'est-ce que les bouddhistes croient par rapport au début de l'humanité, qu'est-ce que les hindous croient. Les gens ont des idées. Mais la Genèse, à la fin du sixième jour, tous les idoles humains viennent de se faire donner un coup de poing. La façon qu'il va décrire comment est-ce qu'il a créé le monde, comment il l'a fait, tous les idoles des êtres humains tombent à terre. N'existe plus. Il n'y a pas de raison d'être. Fait que si je suis un juif, qui est dans ma poche, là, j'ai un Dieu enfant. C'est ça que Étienne dit. Vous êtes promis dans le désert avec des dieux dans vos poches. Il dit, quand vous allez lire la Genèse, vous allez laisser tomber dans le sable, vous allez mettre le pied dessus, vous allez l'enterrer. Parce qu'il n'y a plus de raison d'être. Il n'y a plus de raison d'être votre Dieu. La façon que j'ai créé le monde, pourquoi vous traînez ces dieux-là dans vos poches? Donc, Dieu créa les cieux et la terre, ça c'est le résumé. Puis là, il va nous décrire ça. Okay? Donc, la Genèse, c'est au chapitre 2, il va dire, voici comment les origines du monde commencent. Il recommence, mais là, il va les donner avec une autre approche. Là, il va plutôt focaliser sur l'être humain. Donc, il déclare quelque chose, puis il le décrit. Donc, ça, c'est le résumé. Mais maintenant, la première étape. Et en même temps, je vais vous dire quelque chose. Vous devez vous rappeler ça là, en lisant. L'être humain là, qu'on va voir sortir au sixième jour, c'est l'apogée. Les cinq, six premiers jours, Dieu prépare un lieu où ce que l'être humain va vivre. L'être humain, c'est la raison d'être de la création. Parce que Dieu n'a pas besoin de création, lui-même n'a pas besoin de création. Mais il va créer un monde qui va être sur lequel je peux être capable de vivre. Ils s'en vont sans lune, là. Ils ne sont pas capables de vivre là. Hein? Ils vont mettre des grosses boules autour de leur tête, puis il va falloir qu'il y ait plein de machines autour des autres pour pouvoir vivre là, parce que la lune n'a pas été faite pour mettre des êtres humains dessus. On le sait. C'est connu maintenant. Mais la race humaine, moi, le François, de la façon que Dieu a créé la race humaine, il faut que j'aille un monde très précis dans lequel je vais vivre. Si le monde n'est pas prêt à me recevoir, si tu me mets sur la planète et je n'ai pas d'air à respirer, je meurs. 3 minutes après, je suis mort. 4 minutes, je suis mort. Si tu ne me donnes pas, il faut que le monde soit prêt à me recevoir. Parce que quand il va me mettre là, moi j'ai des besoins. Il faut que le lendemain matin, je mange. Okay? Faut que j'aie de la nourriture le lendemain matin. Faut que j'aie de l'eau à boire le lendemain matin. Donc, il faut que le monde soit prêt pour moi. Dieu prépare un monde pour l'être humain. C'est l'être humain la raison d'être de la création, de la façon qu'elle a été créée. C'est l'être humain. Et ça va nous emmener tout à l'heure à voir comment les êtres humains sont idiots. Comment ils perçoivent le monde. Ils perçoivent la nature, le monde. Puis la façon dont la race humaine aujourd'hui perçoit la nature. Ils ont complètement oublié que tout ça a été créé pour nous autres. On veut y donner à la nature des droits quasiment égaux aux droits des êtres humains. Mais non, Tu es là, l'arbre, pour moi. Si moi, je ne suis pas là, tu n'as pas besoin d'être là, toi. Là. Tu as vu ça dans les films. Les problèmes, c'est les êtres humains. On s'enlève de là. La planète, elle va être heureuse. La planète, elle va fleurir. Elle va être belle. Puis elle va être belle, eau fraîche. Puis tout va venir beau, puis comme ça. C'est l'être humain, le problème. Ils ne comprennent pas la Genèse. Ils ne comprennent pas la Genèse. Donc, première chose que Dieu fait au verset 2, il est temps. On va aller plus vite que ça, on va avancer, là, par exemple. On va finir la semaine aujourd'hui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, Dieu fait une terre, mais elle est informe et vide. C'est comme s'il fait une boule d'argile. Puis il va commencer là. Mais il n'est pas prêt à savoir. Donc il va la préparer, cette boule d'argile-là, il va la préparer à ce que l'être humain va pouvoir vivre dessus. Donc, mais là, quand je vais vous donner le mot « à surface de l'abîme », il y en a qui ont probablement d'autres choses, là. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y en a-tu qui ont des trous d'eau là-dedans? Il y en a qui ont des trous d'eau dans leur Bible. Okay? Le mot « abîme », il y en a qui mettent ça comme un trou... Hein? Un trou noir dans le centre de la terre, je ne sais pas comment, dans l'abîme. Là, ils disent que c'est la surface des. Ils disent que c'est quelque chose de profond, que de l'eau. Le mot abîme ici, on a de la misère à l'exprimer. Tout au long, vous allez avoir des questions scientifiques, mais le texte n'a pas l'intention de répondre à vos questions scientifiques. Le texte est allé de nous décrire que Dieu est le créateur du monde. Okay? Donc, il y avait un monde où il y avait seulement des ténèbres. Donc, se mettait la planète Terre, tout autour, c'est des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu, là, mettez pas le Saint-Esprit, là. C'est pas le Saint-Esprit, cela. Parce que Moïse ne sait même pas que le Saint-Esprit existe, là, dans le sens que nous, on l'entend. Rappelez-vous, la Trinité, c'est plus loin, un peu plus loin dans la Révélation. Quand vous lisez un livre, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit, quand vous lisez un livre, vous devez le lire dans la révélation progressive qu'elle a été écrite. Je ne peux pas lire dans la Genèse la Trinité. Elle n'a pas été encore révélée, cette Trinité-là, à la race humaine. Okay? Nous autres, on la voit là parce qu'on la connaît. Là. Ah, ouais! Mais ici, c'est le mot de l'esprit, là, c'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Le mot esprit, c'est le mot souffle. Tout à l'heure, il va souffler sur l'être humain. Il va souffler, mais il ne souffle pas de cet esprit. Là. Il souffle. L'être humain va devenir un âme vivant. Donc, ça fait partie de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Mais il ne faut pas voir la Trinité encore. C'est bien pas là. Moïse ne la connaît pas encore. OK? Oui. Toi, d'abord, tu sais, là, quand on parle dans Genèse, justement, je pense, là, quand il parle notre le serpent, non, le serpent marcher sur la tête du talon, puis bon, etc. Là, tout ça, tu sais plus quoi je veux dire. Ben, pourquoi qu'on dit d'abord, là, Jésus-Christ n'a pas le nom de lui, là, puis il en parlerait déjà là? Pourquoi que nous autres, à cette heure, on fait un lien, que ça, c'était ça, il voulait se faire du ménage, on va faire du ménage à cette heure-là. Des fois, c'est difficile, quand je t'écoute comme ça, puis tu dis, ouais, mais ça. Je vois pas pourquoi lui, là, en tout cas, je vois pas le processus. Tu me dis que non, ça n'a pas été apporté là, mais ça, ça a été apporté là. C'est parce que quand on lit Thessaloniciens, je ne peux pas y emmener des données de l'Apocalypse, il n'y a pas écrit encore. Okay, quand les gens qui ont reçu un Thessaloniciens, ils l'ont lu, il n'y avait pas l'Apocalypse. Je ne peux pas j'emmène des éléments dedans pour le comprendre. Je peux ajouter des éléments après que j'ai. Quand j'ai étudié Thessaloniciens, voici ce que Thessaloniciens nous dit par rapport au retour du Seigneur. Je peux y ajouter des éléments plus tard avec l'Apocalypse, mais je ne peux pas emmener l'Apocalypse dedans pour comprendre, parce qu'ils ne l'avaient pas, eux autres, pour la comprendre. Non, moi, je ne peux pas emmener Jésus dans la Genèse pour comprendre la Genèse, parce que Jésus n'existe pas encore. Donc, j'essaie de comprendre la Genèse juste par la Genèse. Tout simplement. Parce que nous autres, c'est parce qu'on connaît l'histoire. C'est pour ça qu'on la ramène là. Ouais. Mais si les gens qui l'ont lu en premier, ils ne connaissaient pas. C'est pour ça que c'est dur pour nous autres, des fois, de faire abstraction de ce qu'on sait. Puis dire, ça, là, on va attendre un peu. On va lire ça comme si j'étais dans le texte, là. Puis je vais comprendre ça. Et je vais y additionner des choses que j'apprends plus tard. Okay? Je vais y additionner à mon allant. Mais je vais pas prendre ce qui a été révélé 2000 ans plus tard pour interpréter ce qui était là. Je n'arriverai pas, là. Je vais intégrer dans le livre quelque chose qui n'était pas là. Puis je n'ai pas besoin. Ça veut dire que les Juifs qui ont reçu la Genèse de la part de Moïse pouvaient comprendre la Genèse sans le Nouveau Testament. C'est ça que je veux dire. Ils n'ont pas peur. Quand tu parles du talon là, par rapport au serpent, tout ça, nous autres, on le sait, mais eux, quand ils l'ont reçu, qu'ils se l'ont fait dire. Oui, c'était dans trois semaines. Ça, dans non, trois oui, semaines. Mais ça, je sais, parce que toi, elle, Carole, elle l'emmène à cause qu'elle dit pourquoi que là, on met Jésus, puis là, on ne met pas. On ne mettra pas Jésus, là, non plus. C'est ça, c'est parce que nous, on le fait, puis il ne faut pas le faire. On ne mettra pas Jésus. C'est une autre explication pour laquelle il nous a dit ça. Ouais. Oui. Donc, on va les enlever, ces petites affaires-là, en s'en allant. Okay. Ouais. On va essayer de rester dans la Genèse. OK, dans la Genèse. Donc, Dieu a ça là, et Dieu, le souffle de Dieu est là, puis c'est comme si Dieu regarderait sa grosse boule d'argile, puis comment il va préparer ça. Il prépare ça, puis il va faire de quoi avec ça pour que l'être humain puisse vivre dessus. Dites-vous, il est en train, c'est pareil comme vous êtes en train de bâtir une maison, et vous savez, vous, que ceux qui vont habiter la maison, c'est des handicapés. Vous allez bâtir la maison de façon très précise que c'est des handicapés qui vont vivre là. Vous n'allez pas mettre des marches en pouvantard, vous n'allez pas faire. C'est des handicapés. Hein, ils vont toujours être en chaise roulante. Donc, je vais bâtir la maison en fonction. Dieu va créer un monde pour l'être humain. Et c'est ça qui va être le coup de grâce de Dieu. J'ai bâti ça pour vous et vous m'avez rejeté. Je vous ai préparé un monde dans lequel vous devez vivre avec moi et vous m'avez rejeté. C'est ça qui devient l'affront monumental de la race humaine. J'avais fait ça pour vous autres. Là. C'est nous autres la crème sur le gâteau. C'est nous autres la cerise sur le sommet, les êtres humains. Là. Avez-vous déjà vu ça? À chaque fois que je fais ça, là, on met des belles photos là, du monde. Ah, oh, Dieu est donc grand, Dieu est puissant. Il n'y a jamais d'être humain sur les photos. Des montagnes, des ruisseaux, des oiseaux. Mais il n'y a jamais d'être humain. Je me demande pourquoi on ne met pas l'être humain dans le décor. On le sait, hein? Pourquoi? On ne veut pas les mettre là. J'ai dit, le chef-d'œuvre, c'est nous autres. C'est nous autres le chef-d'œuvre. Mais on est tellement corrompus. Aujourd'hui, c'est ça. Ça nous montre qu'on voit la nature, on voit la nature, on dit que c'est beau, mais l'être humain, on oublie un peu. Est-ce que le chef-d'œuvre, il était en arrière de la Paris? On revient au chapitre, au verset 3, s'il vous plaît. Céline? Là, on va faire. Dieu est en train de préparer. La première chose qu'il va faire, il va faire une boule. La deuxième chose qu'il va faire, verset 3 à la 5. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Donc, la première chose que Dieu va créer, c'est la lumière. C'est quoi ça? C'est compliqué. C'est pas le soleil. Le soleil va être créé le quatrième jour. Donc, il crée quoi ici, là? Donc, il crée de la lumière. Donc, on a de la misère à savoir c'est quoi. Ah, j'ai lu des articles, des scientifiques qui appellent qu'il y a une forme de lumière qui existe, blablabla. Mais Dieu ici, il prépare. Il prépare la maison pour l'être humain. Vous avez déjà pensé que l'être humain ne peut pas vivre s'il n'y a pas de nuit et de jour? C'est juste d'un jour, juste de la lumière tout le temps, il ne peut pas vivre. C'est juste de la noirceur, il ne peut pas vivre. L'être humain ne peut pas vivre s'il n'y a pas un cycle de clarté et de noirceur. Il ne peut pas vivre. Mais là, on dit qu'on a toutes nos lumières pour nos affaires. Là. Mais tu descendais dans une mine où il fait juste noir? Il fait noir, tu ne vis pas. Un homme ne vit pas longtemps, là, je te garantis. Il ne peut pas vivre dans le noirceur. Dieu dit, pour préparer que l'être humain va prendre place, il faut que je fasse un jour, il faut que je fasse la nuit. Il faut que je sois capable, de ça, parce que moi, l'être, lui, il sait quelle sorte d'être qu'il va mettre dans le jardin. Je me prépare. Il faut qu'il y ait un cycle de noirceur et de clarté. Pas juste de clarté, puis pas juste de noirceur. Donc, il y a une forme de lumière. Tout à l'heure, on va voir que le soleil, lui, va présider au jour qui a établi ici. Il va présider, c'est pas lui qui fait le jour. Mais il va présider au jour. C'est un peu différent. Mais je sais que vous avez des questions. J'en ai des questions aussi. Par rapport à la science, on en a plein. Là. Mais le but du livre, ce n'est pas de répondre à toutes nos questions du 21e siècle. C'est de nous faire comprendre que le monde dans lequel je vis, vient d'une personne qu'on appelle Dieu, qui est un créateur. Puis que lui, il a une raison pourquoi il m'a mis là. C'est ça qui est important pour moi. OK? Donc, il y a le premier jour de la semaine. Je vous ai dit l'autre fois, hein, chaque jour de la semaine, si vous allez dans les langues, c'est des dieux. Hein. Le lundi, mardi, mercredi, c'est des noms de dieux qui sont là. Moi, j'essaie de me voir si j'étais un Égyptien ou si j'étais un Juif qui avait été élevé là-bas en Égypte ou Moïse, puis de me faire dire là, que le dieu de la lumière que j'adore, ou le dieu des ténèbres que j'adore, c'est pas, ça n'existe pas. La lumière, ça vient de Dieu. Ça vient le Dieu qui a créé ça. Je ne devrais pas adorer la lumière, je dois adorer celui qui a fait la lumière. Je ne dois pas servir la lumière, mais celui qui a créé la lumière. Si vous allez sur Google, marquez Dieu de la lumière, vous allez avoir des noms qui vont sortir. Ah, mais le Dieu de la lumière. Moi, je vois, c'est drôle, ça, tu le dis, mais je vois plus le Dieu qui créa la lumière, le Dieu de la lumière. Comme le Dieu des hommes, c'est notre Dieu. Le Dieu de la lumière, c'est. Oui, oh, c'est Dieu qui a créé la lumière, ça je veux dire, OK, c'est bon. Donc, il va créer la lumière, il va la mettre en place. Les ténèbres, ça, c'est juste l'absence de lumière. Bon, c'est ça. Les ténèbres, ça n'existe pas. Il n'a pas créé les ténèbres, il a créé la lumière, et automatiquement, ça l'a séparé les ténèbres. Donc, si j'allume une lumière dans les ténèbres, j'ai juste allumé une lumière, je n'ai pas fait des ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Donc, lui, il crée de la lumière pour préparer le monde dans lequel on va vivre. Deuxième jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux d'au-dessus. Et ce fut ainsi. Donc, verset 8. Dieu appela cet étendu ciel. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le deuxième jour. OK. Donc, Dieu sépare des eaux. Puis, ce qu'il va créer, c'est ce qu'on appelle ici le ciel. Il fait un espace. Il envoie des eaux par en haut, puis il met des eaux par en bas. Okay, donc, il fait un espace. C'est ce que nous autres, ce qu'il appelle, c'est Dieu appelant l'étendue ciel. Donc, il sépare, il y a des eaux en haut. C'est ce qu'on va voir dans le déluge, que va les eaux du ciel, les écluses des cieux s'ouvrir et ça tombe sur la terre. Il y a de l'eau autour. Il y a de l'eau autour. Il semble que la terre était entourée d'un nuage, qu'on appelle de l'eau, et il y a de l'eau en bas. Ça, c'est. On ne peut pas vivre dans l'eau, nous. Fait qu'il faut qu'il sépare, il faut qu'il nous donne un espace pour respirer. Il faut qu'il y ait de l'air pour qu'on respire. C'est ce qu'on appelle, nous autres, le ciel. Le ciel, c'est. Là, on ne parle pas de la présence de Dieu, hein, et on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui le firmament, l'air. OK? Donc, Dieu est en train. Il dit. C'est ça qui fait le deuxième jour. Il sépare les eaux avec les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Le troisième jour, maintenant. Que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un lieu unique pour que le continent paraisse. Et cela se réalisa. Dieu nomma le continent Terre et la masse des eaux mer. Ils constatèrent que c'était une bonne chose. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc, le troisième jour, le deuxième jour, troisième jour, Dieu rassemble le sec, donc il sépare. La terre, puis les mers, ou les ruisseaux, les fleuves, de l'eau. Il sépare les deux, parce que moi, je ne peux pas vivre dans l'eau. Les êtres humains ne peuvent pas vivre dans l'eau, les êtres humains vivent sur le sec. On n'est pas des poissons, on n'est pas des amphibiens, donc on vit sur la terre. Puis il va prépare aussi la nourriture par les arbres, les arbres fruitiers. Il va commencer à préparer ce que je vais avoir besoin pour me nourrir. Donc, tout ce qui va être autour de moi, tout ce que je vais avoir besoin pour vivre, va venir de Dieu. C'est pas que Dieu m'a plongé, m'a mis dans un monde, puis que le monde, ça vient de quelqu'un d'autre. C'est lui qui a préparé le monde, et tout ce qui m'entoure, ça m'a été donné, ça va être préparé pour que l'être humain puisse vivre là. Donc, j'ai besoin, aussitôt que je vais naître, puis que je vais commencer à bouger, je vais pouvoir me nourrir. Je vais avoir des arbres fruitiers autour de moi. Donc, c'est pas quelque chose. Et vous allez remarquer que le mot espèce, selon son espèce, selon son espèce, ça va revenir souvent, souvent, souvent, souvent, ça. Donc, il n'y a pas de croisement entre les différentes espèces. Chacun se reproduit selon son espèce, naturellement parlant. On ne parle pas de ce que nous autres, on est capable de faire aujourd'hui, prendre un morceau de prunier, puis l'attacher à la personne, un pommier, pour essayer de nous croire. Naturellement, chaque arbre produit dans son fruit quelque chose pour reproduire un autre arbre. Donc, dans ma tête, Dieu planifie qu'il va y avoir une reproduction des arbres, ou des fruits, des arbres fruitiers, ou de l'herbe. Ça veut dire que cet arbre-là, qui est là, il ne va pas vivre éternellement. Parce qu'il n'y a pas besoin de fruits pour se reproduire s'il vit éternellement. Dieu remplit la terre d'arbres, puis il n'a pas besoin de fruits, les arbres vont toujours rester là. Donc, pas besoin de fruits. Mais s'il met des fruits, s'il met des fruits avec une semence à l'intérieur, c'est parce que Dieu a déjà planifié que le parent arbre va finir par tomber à terre. OK? Puis qu'il va y avoir d'autres arbres qui vont pousser au côté. Même avant la chute, il a déjà pensé qu'il va y avoir une reproduction des arbres fruitiers ou de toutes les plantes qu'il y a là. Même les animaux vont se reproduire. Donc, quand on dit que c'est pas normal que l'être humain meure, hein, parce qu'on devait vivre éternellement, il ne faut pas penser la même chose des arbres. Okay, le monde dans lequel j'ai été créé devait se reproduire. C'est pas que Dieu a fait une petite place, là, OK, j'ai fait 10 arbres maintenant, allez, multipliez-vous sur la planète, là, remplissez la planète. Ça va vous prendre une couple de milliards d'années, mais remplissez-vous la planète. Mais non, c'est pas ça. Ce qu'on peut comprendre, il a rempli la planète d'arbres. Parce que vous savez que moi, puis aujourd'hui, on le sait avec la science, que c'est les arbres qui, en grande partie, vont faire l'oxygène que je respire. Donc, ça prend. Il faut que l'oxygène soit là quand moi je vais commencer à prendre ma première respiration. Là. Quand Adam va ouvrir la bouche la première fois, il va falloir que je respire. Donc ça prend les arbres. Il faut que les arbres aient produit l'oxygène. Il faut que les arbres, ça fonctionne cette affaire-là déjà. Il faut que la machine soit en marche. Sans ça, je vais dire, mais Seigneur, je manque d'oxygène, tu ne vas pas me mettre à bonne place. Là. Donc il faut que ça soit là en place. Là. Donc ces arbres-là vont fonctionner. Puis vous savez comme moi aujourd'hui que les arbres, pour qu'ils puissent vivre, ça prend d'autres arbres qui meurent. Ça prend de l'engrais dans la terre. Et donc, c'est l'arbre qui meurt, donne de la nourriture pour l'autre arbre qui va pousser de côté. C'est comme ça que ça marche. Donc, si moi, il faut qu'il y ait une succession, si je veux avoir une succession de fruits pour que je puisse manger, il faut qu'il y ait une succession aussi dans l'arbre qui va mourir, qui va faire de l'engrais, les fruits vont tomber à terre, ça va faire de l'engrais. Et tout ce cycle-là, il est là. Et si vous regardez, c'est encore une fois dans les mythologies, dans les anciennes religions, tout ça, c'est des dieux. Donc, à chaque fois que Dieu crée quelque chose, il t'a été confronté à tous les dieux qui sont là. Donc, votre Dieu là, qui pourvoit la nourriture, là, oubliez ça, c'est moi. Moi, j'ai fait des arbres, puis dans l'arbre, j'ai mis un principe déjà qui va se reproduire, puis il va vous donner des fruits chaque année. Donc, priez pas à la Sainte Vierge qu'elle vous donne des bananes. Là. Les bananes vont sortir chaque année, comme c'est prévu. Mais les arbres, à ce moment-là, déjà, ils mourraient? Je pensais que ça aussi, c'était éternel au début dans le paradis. Parce que t'as pas besoin d'avoir de fruits qui se reproduisent si sont éternels. C'est parce que moi, je pensais que les petits insectes à fruits qu'on met dans les arbres, à cause que les pommes, les bananes pourrissent, moi, je pensais que c'était à cause de la mort. C'est comme la pourriture, autrement dit, que les insectes qui nous dérangent, c'était la conséquence de la mort que Dieu avait mis, mais là, non, ça veut dire que c'est pas ça. Parce que là, on est avant la chute, là. On est avant la chute. Avant, il y avait déjà des décompositions. C'est ce que je pense. Okay. Les fruits sont pas juste pour la reproduction. Il faut qu'on bouffe. Donc, comme ça, il prépare pour nous autres. Mais pour qu'il m'en donne à chaque saison, il faut qu'il y en ait un qui tombe à terre. Puis là, il va faire de l'engrais, puis l'autre va pousser par d'après. Donc, il faut qu'il y ait une succession d'événements là, pour que l'arbre puisse fonctionner. On le sait, ça. On le sait avec la science aujourd'hui. Mais dans ce temps-là aussi, il savait, je crois. Mais Dieu, lui, il sait. Lui, il dit, je vais créer des arbres qui vont avoir toute leur façon de fonctionner. Les principes sont déjà établis. Tu sais, il y a plein de choses que... En tant qu'être humain, j'ai même pas besoin de penser. Ça se fait tout seul. Oui. Ouais. Mais c'est parce que je me dis, j'ai peut-être entendu ça quelque part, ou il me semble, je me demande même si c'est dans un autre ordre d'idée, si c'est pas toi à un moment donné. Ah, oh, ça se peut. Tu sais que la création était parfaite au début, comme l'homme, puis que même, tu sais que la planète, tout était correct aussi, comme l'homme, mais avec le péché, ça avait aussi. Atteint la création de la voilà. Fait que c'est pour ça que peut-être qu'à cette époque-là, parce que tu le dis, hein, c'est pas écrit non plus, on peut supposer, mais peut-être aussi qu'à ce moment-là, il n'y avait peut-être pas le fruit, il n'y avait pas besoin de tomber et mourir pour produire une autre graine, faire d'autres choses. Là. Peut-être que ça, c'est venu avec la chute. Non, on le dit ici, là. Chacun a sa propre semence à l'intérieur de lui pour se reproduire. Oui, mais ça ne veut pas nécessairement dire peut-être qu'il mourrait déjà. Mais t'as pas le choix. Ça ne sert à rien, la semence, si elle ne tombe pas à terre. Puis elle ne fera rien dans l'arbre. Il faut que la graine meure. Il faut qu'elle tombe à terre. Elle ne meurt pas. Parce que une graine morte, elle ne produit plus. Tu le sais aussi, là. Parce que tu as des graines qui vont d'une transformation. C'est ça, elle se transforme, mais elle ne meurt pas. Parce que le mot « mort », nous autres, on l'emploie là, pour l'être humain comme une malédiction. Ouais. Mais il ne faut pas penser que l'arbre, un fruit qui tombe à terre, la Bible appelle ça « mort ». C'est pas, t'as peut-être pas appelé ouais, l'arbre meurt, tu sais, c'est pas dans ce sens-là. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'arbre comme tel ne mourrait pas en décomposition comme aujourd'hui, mais qu'il y avait juste la semence. Mais c'est parce que c'est des données, c'est que l'auteur, j'ai fait juste ressortir l'idée que pourquoi Dieu semble vouloir tant mettre d'emphase sur chacun va se reproduire selon son espèce. Mm-hmm. Parce qu'il va, il va donner aux animaux aussi de se reproduire selon leur espèce. Donc, il veut qu'on comprenne que, vous allez voir, pour moi, c'est ce que je vais vous dire, une petite idée là. Vos demi-cheval et demi-humains que vous avez sur vos images comme Dieu, ça n'existe pas. Mm-hmm. Chacun se peut selon son espèce. Fait qu'amène-moi pas la moitié d'un humain avec une moitié d'une sirène avec un bout de, avec une queue de poisson. On se reproduit selon nos espèces. Mm-hmm. Pas deux, trois espèces mélangées ensemble. Ouais, pas de moitié de singe. Donc, mais eux autres, ils ont été élevés dans l'Égypte avec des moitiés de singes, des moitiés d'animaux, la moitié d'arbre, la moitié de ci, là. Donc, il faut faire attention. Il n'est pas juste en train de me dire comment ça a commencé, il est en train de confronter aussi. Parce que Moïse, lui, écrit avec l'idée, hey, ça va être bon qu'ils sachent ça. Mm-hmm. Ils vont savoir ça. Donc, il n'y aura pas une déesse de la fertilité. Non, j'ai créé la femme pour qu'elle se reproduise. Elle est fertile en partant. Tu n'as pas besoin d'avoir une déesse de la fertilité, là. Non, ça n'existe pas, ça, là. J'ai créé la femme et l'homme pour qu'ils puissent se reproduire. Donc, ils n'avaient pas besoin de prier, rien de ça. Ils devaient me remercier, puis me louer, que je vous ai créé comme ça, je vais vous reproduire. Mais arrêtez de vous prosterner devant une statue pour avoir des enfants. Ça ne marche pas de même, là. C'est moi qui ai créé tout ce que vous voyez. Si vous voulez faire de quoi, parlez-en à moi, votre créateur. Moi qui ai créé ces arbres-là, parlez-en avec moi, là, si ça ne marche pas. Si vous n'avez pas des bonnes récoltes, parlez-en avec moi, là. Invoquez pas un Dieu quelconque, là. Donc, c'est dans ce sens-là que je vois qu'il est en train de parler. François. Oui. Quand Dieu a créé les arbres, le gazon, tout ça, là, il a créé ça sur toute la surface de la terre. C'est ce que je pense, personnellement. Okay. Parce que l'oxygène ne pourrait pas être en quantité. Parce que l'oxygène ne va pas rester. À l'entour du pays d'Israël, mettons. Oui, mais c'était partout sur toi. C'est ce que je pense. Ça. Une question scientifique. H2O, oxygène, hydrogène, ça fait de l'eau. Oui. L'eau, en s'évaporant, il n'y a pas une partie d'oxygène qui reste dans l'air? Oui, il y en a, mais c'est une partie. Ça ne sera pas suffisant. Ça prend les arbres. On sait que les arbres produisent, je ne sais pas quel pourcentage l'un fait que l'autre fait, là, mais on sait que les arbres produisent de l'oxygène. Okay? Donc c'est le carbone aussi. Oui, on revient. OK, quatrième jour, s'il vous plaît, c'était calé. T'as capé. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Non, 14. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans le firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'il soit des signes qui marquent les époques, les jours et les années. Que dans l'étendue du ciel, il serve de luminaire pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand des deux, afin qu'il préside au jour, et le plus petit pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Donc, ici, on a la création du soleil, de la lune et des étoiles. Et ça, c'est ça, regardez les vieilles religions, là, c'est des dieux à chaque fois. Là. Okay, c'est des dieux, ça. C'est leur dieu. Là. Si vous voyez des dieux égyptiens, là, ils ont un soleil entre deux cornes, une tête de cobra au-dessus. Ils ont le dieu soleil, ça s'appelle Ra. Le dieu soleil s'appelle Ra. Un Ra. Donc, ils ont leur dieu. Ils disent, non. Si vous n'avez un dans vos poches, laissez tomber ça à terre. Là. Moi, j'ai créé le soleil. Là. Moi, j'ai créé la lune. Moi, j'ai créé les étoiles. Pour, il donne des raisons, pour présider, pour marquer le jour, pour marquer la nuit, pour marquer les époques, pour marquer les années. Je vous les donne comme moyen de vous repérer dans le temps. Depuis toute éternité, les êtres humains se réfèrent au soleil, puis le jour, puis la nuit, puis les cycles de la lune. Puis on s'en sert comme marquer les époques, les années, les semaines, on s'en sert. Donc, il dit, j'ai créé un monde, puis vous ne pourrez pas. Parce que si vous prenez la moitié, on sait que la moitié de la planète est dans la noirceur. Mais vous ne pouvez pas vivre là tout seul, si c'est juste noir. Ça vous prend une lune, ça vous prend des étoiles, ça vous prend quelque chose pour vous guider, pour vous repérer. Donc, je suis en train de préparer un monde pour vous autres, les êtres humains. Là. Puis les autres, il faut vous mettre dans la tête, ces gens qui ont reçu, là, c'est ce qu'ils voient dans leur vie aussi. Là. Ouais, il y a un soir, puis un matin. Depuis qu'on est au monde, on en voit passer le soleil, il se lève, puis il se couche, puis la lune. Puis... Les autres, ils voient ça depuis qu'ils sont au monde. Là. Puis ils en avaient fait des dieux. Puis Dieu leur dit, ben, de con. C'est vrai dans Romains, là, quand il dit, là, vous avez adoré la créature au lieu du créateur. Comment est-ce qu'on est devenu aussi con? Comment est-ce qu'on est devenu aussi con? Qu'on est tout d'un coup, qu'on s'est mis à adorer la créature au lieu du créateur. Puis Dieu, il dit ici, là, tout ce que vous avez comme Dieu, là, c'est moi qui l'ai créé. Puis j'ai créé, on va voir, pour vous autres. Donc, pourquoi vous avez commencé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? On va le voir aussi dans le péché. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour que vous arriviez à la place que vous mettiez à genoux devant un arbre? On a fait une méchante chute, quelque part, pour arriver là, là. De se faire des moitiés d'hommes, puis des moitiés de femmes, puis avec des animaux, puis des lions, puis le sphinx, que vous savez, le sphinx, c'est une espèce de lion, hein, avec une tête d'homme, puis... Vous avez pris l'idée, la gang! Vous avez pris l'idée! Et c'est... Je crois que la plus grande... Je me souviens, moi, du jour, je me souviens comme c'était hier, c'est Denis qui conduisait l'auto, moi, j'étais à côté de... On s'en allait à Saint-Rémy, je regardais le ciel. Je venais juste de commencer à aller là-bas. J'étais convaincu que Dieu existait. Ouais. Ça a changé toute ma vie. Il y a un Dieu qui existe, qui a créé le ciel et la lune et les étoiles. Il y a un Dieu qui existe. Ça a changé ma vie. Avant ça, je n'étais pas sûr, puis s'il y en avait un, c'était un mauvais. Mais là, s'il a créé le monde, pour moi, ce n'était pas dur de croire en Jésus. C'était plus dur de croire qu'il y a Dieu qui avait existé. Parce que si Dieu existait, Jésus n'était pas le premier pour moi. C'est le Dieu qui est capable de créer l'univers avec tout seul, là, sans rien d'autre que lui-même. Là. Mais c'est pas dur pour ça, pour moi, d'avoir Dieu, de Jésus, puis l'univers sur une nouvelle terre, c'est pas compliqué. Là. C'est pas compliqué. Donc, le quatrième jour, Dieu fait des luminaires pour aider les gens à se repérer, à se guider, à fonctionner, à séparer le jour de la nuit, à pouvoir vivre là, dans ce monde-là. Okay, donc, on se prépare une maison là, pour vivre. OK. Le cinquième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu dit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Cinq jours. Et là, on a tous les animaux qui sont dans la mer, qui sont créés, et les oiseaux. Vous savez qu'on appelle ça un écosystème, hein? Un écosystème. Il faut qu'il y ait des animaux dans la mer pour que ça fonctionne. Parce que eux aussi participent à l'écosystème dans lequel je vis. Si tu enlèves les animaux, tu m'ajoutes des trous d'eau, ça ne marchera pas. Ça prend des animaux dans le trou d'eau pour que ça fonctionne. Pourquoi? Donc, hop. C'est ça. Va chercher ça dans la mer. Ça prend des poissons pour que ça marche. Parce qu'il y a tout un cycle. Si tu dis que la reproduction, là, parce que Dieu a planifié que les petits poissons se faisaient manger par les gros. Okay? Donc, les petits poissons, avant le jugement, les petits poissons mouraient aussi, là. On ne s'enchaîne pas le mot mourir. Ils servent de nourriture. Je vais enlever le mot mort. Ils ont été créés pour servir de nourriture aux plus gros poissons, puis plus gros poissons, puis plus gros poissons. Ça marche de même. Puis toute cette chose qui se produit, j'ai déjà écouté des programmes scientifiques là-dessus. Toute cette décomposition qui se fait dans la mer fait partie de ce qui monte pendant l'air aussi, là. Okay, dans l'évaporation, tout ça. Tout ça est contenu dans le même fonctionnement. Tout ce qu'on dit, nos écosystèmes, s'ils partent, ça ne marche plus. Tu enlèves une chose, l'écosystème ne marche plus. Donc, ça fonctionne ensemble, ça. Donc, les animaux de la terre, les animaux du ciel, ils ont aussi besoin d'un écosystème pour fonctionner, mais ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que tout ça, c'est pour moi. Moi, l'être humain. Tout ça, c'est pour moi. Il a fait 5 jours pour préparer ma cabane. Et il y avait une raison avec ça. Donc les mères, remarquez bien encore, ils vont se reproduire selon leur espèce. Donc il n'y a pas de transformation là, de grenouille à singe, de singe à aller ce qu'on voudra. Là. C'est selon son espèce. OK? Et ça, on peut rire, là, mais tout à l'heure, on va se poser la question. Est-ce que les anges pourraient se reproduire avec des filles, des êtres humains? On va se poser la question tout à l'heure. Si tout se revient avec, selon mon espèce, est-ce que je vais dire qu'un ange peut se reproduire avec un être humain pour faire des géants? C'est important, les espèces. Chacun selon son espèce. Pas chacun avec d'autres choses. Jésus nous a dit lui-même que les anges ne se reproduisent pas. Les anges ne se reproduisent pas. Non, ça ne se reproduit pas, ça n'a pas besoin. C'est ça qui dit qu'on va être comme les anges. OK? Donc, il n'y a pas de multiplication d'anges. Les autres ont été créés, mettons, 2 millions, puis sont encore 2 millions. Ils ne se reproduisent pas, là. T'sais. Les démons non plus ne se reproduisent pas, là. Il n'y a pas de démons femelles puis de démons mâles, là, quelque part, je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est écrit que ça ne se reproduit pas? Ben, c'est ça, on va être comme... Quelqu'un va poser qui va marier, t'sais. Non, vous comprenez mal. Dans le nouveau ciel, nouvelle terre, on va être comme les anges, on ne se reproduit pas, t'sais. Parce que le but du mariage, je ne veux pas vous enlever vos histoires de Cendrillon, là, mais c'est juste la reproduction, en grande partie. Là. C'est ça. Je ne veux pas vous enlever vos idées. Là. Non, mais, en tout cas, une des raisons, c'est la reproduction. Oui, mais non, tu n'as pas envie de se marier et de se reproduire. Non. Bon, on va régler ça. On peut plus se reproduire. Mais on va voir que quand il va faire l'homme et la femme, c'est pas tout à fait. En tout cas, on verra ça, je ne sais pas tout. Il n'y a pas les fils de Dieu qui sont descendus et qui ont marié. Oui, on va en parler au chapitre 6. Pardon? Chapitre 6. Mm-hmm. OK? Parce que là, je dis que le mot espèce se reproduit selon son espèce, ça a une certaine importance. Parce que est-ce qu'il y a eu une reproduction de deux espèces avant le déluge? Il y en a qui croient ça chez les chrétiens. Un mélange d'anges et d'êtres humains. Donc, on va se poser la question si c'est possible. Là, on va lire le sixième jour, à partir du verset 24. Et on a encore quelques minutes. Verset 24, c'est à qui à lire? À toi. À moi? Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit... Oh, attends un peu. Dieu dit que c'était bon. On n'a pas arrêté sur le mot « bon ». On va lire les êtres humains, on va embarquer le mot « très bon » dedans, on va essayer de définir ça veut dire quoi « bon ». Verset 26, Gaétan. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. L'homme et femme, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-les, dominez-les, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre et toute herbe ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. » Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rentre sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Donc ça, c'est la dernière journée de la création. Dieu a créé les animaux, les grands animaux, pour dire, et tout ce qui se meut sur la terre, Dieu les a créés. Ailleurs, dans la Genèse, on a marqué, ils se créent à partir aussi de la poussière de la terre, on pourrait dire ça comme ça. Donc, il les a créés à partir de la terre pour qu'ils puissent se nourrir de la terre. Comprenez-vous le principe? Je viens de la terre, je mange la terre, okay? Puis c'est, je peux me reproduire. Ce qu'il y a dans l'herbe, ça vient de la terre, ça vient de c'est ce qu'il a. Donc moi, j'ai tiré de là, je peux manger ça aussi, puis ça me nourrit. Donc je ne vais pas me nourrir juste de l'air, parce que j'ai été sorti de la terre aussi. Donc toute cette préparation-là que Dieu a faite pour... Moi, ça m'épate de voir l'intelligence de la création. Comment est-ce qu'il a pu être brillant de faire ça? Ça prend des... T'sais. Nous, on essaie juste de comprendre avec la science comment il l'a fait. Ça nous prend des années à essayer de découvrir comment une petite partie de la chose fonctionne. Lui, il l'a créé, bam, comme ça, puis ça fonctionne depuis tout le temps. Donc, c'est d'une intelligence. Puis quand il y a M. Morgan Freeman, là, il expliquait le soleil, comment ça fonctionnait, puis tout le nucléaire là-dedans, les atomes, les enfants, il a fait ça dans... Tac! Tout ça t'a pris... 13 milliards d'années, tu me disais, pour arriver à comprendre comment ça fonctionne dans le soleil. Là. 13 milliards d'années. Oui, il l'a fait. Okay. En un instant, j'ai dit, tu devrais peut-être l'écouter, ce gars-là. comment est-ce qu'il l'a créé? Tu devrais peut-être l'écouter, il va te le dire, tu sais, là. OK, lui, il était d'un milliard, pas d'un million. 13 milliards, 13,6 milliards d'années que la Terre existe. Le soleil a commencé à se former. Et c'est là que la création. Il n'a pas expliqué d'où ça venait, toutes ces affaires-là, mais ça a commencé là. Ça a commencé à faire une boule, là, puis ça a fait. Parce que c'est là. Là, il est pas dans le Big Bang. Oui, le Big Bang va venir apparemment après ça, probablement. Je n'ai pas écouté le restant, ça me suis trop énervé. OK. Et là, il dit que tout ce que j'ai fait, toute cette nourriture-là, les arbres, vous allez vous en nourrir, vous allez manger les fruits, vous allez tout faire ça, vous allez manger de l'herbe. Et tous les animaux étaient végétariens, ils mangeaient de l'herbe aussi. Donc, jusqu'à cette époque-là, Dieu a créé, l'herbe va devenir la nourriture de tout le monde. Les êtres humains vont manger de l'herbe et vont manger aussi des fruits. Bon, ça fait partie de ça. Ça, c'est le sixième jour. Et là, il dit, il vit que c'était très bon. Qu'est-ce que vous voyez dans le mot bon ou très bon? Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Moi, je disais que Dieu s'est vraiment surpassé là, quand il a créé l'homme. C'était-tu très beau ou très bon? Très bon. Mais le mot bon, c'est pas le mot beau. Hein? Non. Non, c'était très. On a tendance, quand on dit bon, on pense quasiment très beau. Mais ça ne veut pas dire très beau, c'est pas pareil. Là. Mm-hmm. Non, il dit c'est parfait. Parfait, ça veut-tu dire bon? Qu'est-ce qu'il veut dire par bon? Tout était très bon. Quand j'ai fini de créer l'univers, que vous voyez, là, que vous contemplez de vos yeux, tout était très bon. Il ne pouvait pas faire quelque chose de mieux que ça. Ouais. Ça ne m'explique pas le mot bon. Non, ça il ne peut pas faire quelque chose de mieux que ça. Il ne peut pas faire ça plus bon que c'est ça. Ben, mais ça n'explique pas le mot bon. Ça, ça représentait le c'est comme l'absence de mal, puis ça représente ouais. Dieu. Oui, le mot bon, c'est tout ce que j'ai fait, il n'y avait pas de mal là-dedans. Mais je n'étais pas là encore. Il n'y avait pas de mal dans ce que j'ai fait. Parce que le monde que vous contemplez, vous autres, c'est plein de mal. Puis après le péché, on va voir le mal entrer dans le monde facilement. Puis Dieu ne peut pas avoir fait quelque chose qui aurait du mal. C'est pas la question c'était très beau ou c'était très beau. C'est pas juste la question c'était parfait ou c'était parfait. Mais le mot bon, ça a un sens, ça me représente moi. Il n'y a pas de mal dans ce que j'ai fait. Vous savez que tous les dieux qu'on fait, souvent, on fait des affaires parce que les dieux étaient mauvais, il fallait les calmer. On faisait des sacrifices aux dieux pour les calmer, ils étaient mauvais, ces dieux-là. Ils disent, non, ils disent, moi, tout ce que j'ai fait, c'était très bon. C'était très beau aussi, c'était très merveilleux, mais c'était bon dans le sens qu'il n'y avait pas. Toute mon intention à moi, c'était la bonté. Tout ce que j'ai fait, c'était pour être bon. Même l'être humain aussi, l'être humain était très bon. Donc, je veux exprimer une partie de moi. Je suis très bon. Je suis très bon. Donc, c'est... Quand on a parlé de... Je vais reculer un petit peu. Faites à l'image de Dieu. C'est une question que je me suis posée, puis qu'on va s'en poser encore, puis on n'a pas toutes les réponses. Ça veut dire quoi, ça? Créer à l'image de Dieu. Parce qu'on n'est pas en image physique, on le sait, ça, c'est assez clair. C'est pas une image physique, là. Il y en a qui ont pensé qu'on était en image parce qu'on était bon, qu'on pouvait aimer, qu'on était intelligent, qu'on avait une volonté comme Dieu. Oh, des émotions, on a des émotions. Donc, on est comme Dieu dans ce sens-là. Mais c'est pas ça que le texte dit vraiment. De quoi il parle ici? Qu'il domine. Domine. Dieu nous domine. Nous, on domine ça. Dominer, ça veut dire quoi, même? Avez-vous l'impression que vous dominez sur les poissons, vous autres? C'est le gâteau que je suis en train de faire, puis il faut dire que tu veux l'élever. Qu'est-ce que vous avez dit? Ben, tu vas en pêche, tu domines le poisson, tu décides de sa vie. Tu décides de sa vie, oui, c'est ça. Un peu ça, mais. OK. On domine la créature. Oui. OK, on va essayer de. Parce que le mot dominer, ça, le synonyme de dominer, tout on va dire. Appartenir. Bosser. Appartenir, j'aime ça. C'est pas c'est que bosser. Bosser. Ouais. C'est pas gérer, c'est pas bosser le mot dominer. C'est dans le sens qu'il est là pour. Ouais, l'être humain est au-dessus. D'être supérieur. Non, c'est ça. T'es au-dessus. Tout ça, là, t'es au-dessus, je l'ai fait pour toi. Le fait que c'est fait pour moi, je suis au-dessus de tout ça. Je domine sur tout ça. Sers-toi-en. Sers-toi-en. Tout cela, je l'ai fait pour toi. Sers-toi-en. Tu domines au-dessus de ça. Donc, c'est pas que je vais les diriger, puis ils ont déjà des principes d'instinct, de reproduction. Je dis, pas dire aux arbres comment se reproduire, pas dire aux poissons comment se reproduire. Ça fonctionne tout seul, cette affaire-là, jusqu'à un certain point. Mais moi, je suis au-dessus parce que ça me sert à moi. Je dois m'en servir pour moi. On va voir ça, pour, ça va nous amener d'autres choses, mais... François, tu viens de dire le mot « dominer ». Tu sais, quand on entend les films, des fois, « dominus » puis tout ça, puis ça a-tu un rapport avec le « dominus » de Dieu qui serait qui domine? C'est maître, oui. « Dominus », c'est un maître. C'est maître? Oui. Okay. Mais Dieu n'est pas maître dans le sens qu'il est... Qui me force. Dieu est maître juste parce qu'il est différent, il est au-dessus de moi. C'est pas, qu'il dirige bien ou mal, c'est pas d'importance. C'est pas le comment je vais diriger les choses qui est important. C'est que je suis au-dessus des choses. Okay. Dans le fond, Dominique, tu dis que c'est pour, parce que c'est à notre service. C'est là que c'était créé pour moi. Donc, je t'ai, comme moi, je domine au-dessus de tout ce que j'ai fait parce que je suis le créateur. Mais moi, je te transmets de dominer sur la création. Mais moi, je domine sur toi. Donc, si moi, je t'ai transmis de dominer sur le monde que je t'ai créé, dans le sens que tu es au-dessus, tu vas t'en servir pour vivre, pour me servir moi. Parce que moi, je domine sur toi. Là. Parce que moi, je suis au-dessus de toi. N'oublie pas ça. Là. Toi, tu domines sur le monde que je te donne, mais moi, je domine sur toi. N'oublie pas ça. Là. Parce que je suis plus haut que toi. Là. Toi, tu es là pour me servir à ton tour. La terre, c'est là pour toi. Tu vas t'en servir comme tu en as besoin pour manger, pour nourrir, pour faire ce que tu as à faire, parce que c'est là pour toi. Si tu n'es pas là, il n'y a pas besoin d'oxygène, il n'y a pas besoin de ci, il n'y a pas besoin de ça, ça ne sert à rien. Moi, la terre, sans l'être humain, c'est un pot vide. Un pot vide, ça ne sert absolument à rien. Mais quand tu demandes si, la, si on a l'impression qu'on domine sur la terre, c'est encore oui. Hein? Je comprends pas ce que tu as dit tantôt. Avez-vous l'impression que vous dominez, vous? Non, mais c'est dans le sens de dominer, dans le sens que vous gérez les poissons, vous leur dites. Jésus, quand il dit aux poissons, venez dans le filet, là. Ils obéissent. Ils obéissent, c'est ça. C'est pas dominer dans le sens qu'on a ici, là. OK? Parce que ça c'est être un maître souverain, une puissance qui dicte, qui change la nature des poissons. Ils n'étaient pas supposés de s'emmener dans le filet, tout ça, parce que Jésus a demandé, là. Ça, c'est pas dominer dans le sens que nous, on n'a pas cette capacité-là. Là. On ne peut pas changer, nous, le monde que Dieu a fait. On peut l'utiliser. Mais moi, ce que je veux te comprendre, c'est que faites-vous-en pas des idoles, les câbles, vous êtes par-dessus. Vous êtes au-dessus de ça. Je vous ai créé, puis je vous ai donné tout ça pour votre bien-être, vous vous en serviez, pour me servir moi. Puis vous faites les cons, là, quelque part. Vous faites un arbre, puis vous en faites une boule, puis une statue, puis vous mettez de vin, puis vous l'adorez. C'est fait là. Vous prenez un poisson, puis vous l'adorez, le poisson. Hey, il est là pour vous autres. M'enlevez, si vous avez faim. Est-ce que vous mangez du poisson? Après le déluge. Mais... tout ça, là, sert. Tout ça sert. Est-ce que vous comprenez le mot dominer? Vous êtes au-dessus, c'est là pour vous. Donc, automatiquement, quand je te dis, je suis là, ça, c'est là pour toi, là. On va faire attention tout à l'heure. Quand on va parler, je vais vous dire tout de suite pour qu'on s'en souvienne. Le mot dominer, l'homme a dominé sur la femme, c'est pas le même mot dans l'hébreu. Donc, on va le faire un petit peu différent. On donnait ça, les hommes. Puis quand il va dire à Caïn, domine sur le péché, là, c'est pas le même mot non plus. Donc, c'est un mot un petit peu différent. Mais ici, le mot, je t'ai mis au-dessus. Mais ici, l'homme et la femme sont là, tous les deux doivent dominer sur le monde. Pas dominer dans le sens de faire de quoi, mais de comprendre qu'ils sont au-dessus d'eux. Puis là, moi, ce que j'écoute à la télévision, dans les médias, on veut nous faire croire que nous, on fait juste partie du système. On n'est pas plus important que le restant. Ouais, on est tous égaux. On est juste un autre animal intelligent, mais on est... tu dois comprendre là, que tu n'as pas le droit plus à la vie que le crapaud là, dans le fond de l'étang. Non, le crapaud est là pour moi. Moi, je ne suis pas là pour le crapaud. Le crapaud est là pour moi. La vache est là pour moi. Le chevreuil aussi, puis l'orignal aussi, puis les poissons aussi. Tout le monde est là. Toute la nature, tous les arbres, c'est là pour moi en tant qu'être humain. On va terminer avec le verset 1 dans le chapitre 2. Tous les mots sont importants, là, mais je pense qu'on a déjà parlé, mais quand elle dit, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Dieu était là seul, là, mais quand elle dit à notre image, à notre ressemblance, mm-hmm. De qui il parle? De Trinité. Son trois. Mm-hmm. Mais est-ce que vous pensez que, que Moïse a vu les trois? Ça ne veut pas aussi. Il ne savait pas dire ça d'abord. Il est là. Il est là, le texte. Il dit, faites-le à notre... Donc, il parle de quoi? Il n'est pas seul. J'ai pas de réponse à vous donner, à moins que je vous dise la Trinité. Mais il faut que ce soit juste. Nous, on le sait. Ouais. On le sait, ça. Mais lui, il parle au pluriel de lui-même. Mais je crois pas qu'il comprenne à ce moment-là qu'ils sont trois. Non, il comprend pas. Ouais, mais lui, il comprend pas. C'est qu'il est inspiré de Dieu pour écrire ça. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il comprend, là, dans ce sens-là. Mais c'est parce que c'est pas Moïse qui l'a dit. Moïse raconte ce qu'il a entendu dire. C'est Dieu qui le dit ici, là. Uh-huh. Dieu dit, faisons l'homme. Lui, il répète ce que Dieu a dit, mais ça ne veut pas dire qu'il comprend tout ce qu'il veut dire. Richard, mon gendre, il dit qu'à certaines époques, on connaît un petit peu aussi l'idée de dire à nos parents, vous. C'est pluriel, mais on parle à une personne. Il dit que le mot vous, souvent, dans certaines cultures, marquait le respect d'eux, okay? En notre image. Est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire ou que Dieu voulait dire? Pas ça du tout. Pas ça du tout que c'est ça qu'il voulait dire. Mais lui a mis l'idée, j'ai dit, oui, ça, dans notre époque ça marche, mais à cette époque-là, je ne suis pas sûr que ça marchait comme ça. Mais est-ce qu'on peut vivre sans tout savoir? Oui. Il y en a qui disent que c'est le mot est pluriel, le notre est pluriel, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce que les Juifs ont compris? Quand on a des idées comme ça, Denise, là, tu les gardes pour toi. Non? on les dit, mais quand on les a, qu'on n'a pas la réponse, on continue à lire. Quand tu continues à lire dans la révélation, la beauté de la révélation progressive, ça va venir en s'en allant, ça va s'expliquer en s'en allant. J'ai peut-être pas de réponse tout de suite, mais je vais la trouver en m'en allant. Donc, nous, quand on a fait la dernière fois, on amène la Trinité dedans parce qu'on la connaît. C'est pas péché de faire ça, là. C'est pas un péché de voir la Trinité là. Mais c'est que nous autres, on dit, mais à cette époque-là, c'était pas ça que ça voulait dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu quand il dit ça? Je sais pas. Donc, le verset 2, chapitre 2, je veux qu'on conclue avec ça, parce que c'est la série sur Sunday. C'est qui à lire? On va lire 1, 2, 3. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Il fit de ce septième jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Si vous êtes un juif, puis vous recevez ça, vous lisez ça, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voulez à l'esprit de Dieu? Bien, c'est certain de garder le septième jour pour le repos. Les autres, ils voient le sabbat tout de suite, là, parce que la loi est là. Et ça, c'est ça, ils voient le sabbat. D'autres, ils disent, ah, c'est pour ça que le sabbat est là. C'est pour ça. Les autres, ils ont le sabbat dans leur vie. Là. Okay? Donc, mais pourquoi Dieu, lui, a pris la décision quand il a fini de créer? Parce que, selon ma compréhension, à partir du sixième jour, Dieu ne va plus jamais créer. Jusqu'au nouveau ciel, nouvelle terre. Il ne va plus jamais créer. Tout ce qui avait été créé, c'est terminé. Ensuite, il va jouer avec la création de déluge, il va jouer avec la création, il va pas changer certaines règles que lui-même a établies, puis il va plus créer. Créer, ça veut dire créer à partir de rien, faire quelque chose à partir de rien. Mais là, il va utiliser la création, mais il va plus créer des choses. Dans le fond, il ne s'est pas reposé rien qu'une journée, le dimanche, lui-là, il s'est reposé le reste de sa vie. Okay. Mais lui, il dit que le septième jour, si on le prend pour des jours de 24 heures, il dit qu'il va, il l'a sanctifié. Il l'a béni, il l'a sanctifié. Il le met à part des autres jours. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi il fait ça? Imaginez-vous que vous êtes Dieu, là. Vous avez créé tout ça. Vous avez, l'être humain est là, la femme est là, l'homme est là. Puis Dieu, il s'assoit puis il l'admet. Hein? Ouais, Dieu, il dit, je t'ai fait une journée dans la semaine. Regarde-moi à ce temps. Puis loue-moi parce que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place pour toi. Parce que moi, ce que je veux, Dieu, c'est d'avoir une relation avec toi pour que tu puisses me parler à moi. Parce qu'il y a juste nous autres dans toute la création qui peut s'adresser à Dieu. Dans tout ce qu'il a fait, il y a juste nous autres qui peut répondre. Les arbres ne répondent pas, les vaches ne répondent pas, les chiens ne répondent pas, les poissons ne répondent pas, il n'y a rien qui répond. Toutes les autres choses que Dieu a créées, ils ne disent rien à Dieu, ils ne réagissent pas devant Dieu. Ils ne réagissent pas devant Dieu. L'autre, l'arbre, lui, est complètement inconscient qu'il existe même, là. Lui, il est juste fait comme une machine qui reproduit ses fruits, il fonctionne, fait ses arbres, fait ses feuilles, etc. Lui, c'est une machine qui reproduit, là, avec une forme de vie qu'on dit, là, mais il y a juste l'homme qui peut réagir, regarder ça, puis dire, « Wow! » Puis de dire, c'est toi qui m'as créé, puis qui m'as donné cela, qui a tout préparé ça pour moi, pour que je m'en serve, moi, pour te servir. Il y a juste nous autres qui peut faire ça. Donc, Dieu a tout fait ça parce qu'il va avoir une relation avec moi. Pas d'égal à égal, là. C'est pas pareil. De créature à créateur. Et ça nous met sur un palier, là. Créateur à créature, ça nous met sur un palier différent. Mais j'ai tout fait ça pour que toi, tu es conscient de ça, que j'ai fait ça, c'est moi qui ai fait tout ça, et je veux que tu t'en serves pour me servir moi. Cette septième journée-là, je veux que tu la sanctifies. Je ne suis pas en train de pousser le dimanche ou le sabbat ici. Là. Mais une réaction à ce que je vois autour de moi. Il fallait le samedi, le vendredi, le dimanche, fallait que, dans la loi, c'était le sabbat. Là. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on pourrait dire, prends un temps, parle avec toi, puis regarde ce que j'ai fait. Là. Puis médite. Là. Pourquoi j'ai fait tout ça? C'est pour toi. Mais toi, je t'ai fait pour moi. Okay? Je n'ai pas fait l'arbre pour moi. J'ai fait l'arbre pour toi, mais toi, je t'ai fait pour moi. Tu es là pour moi. Ça nous donne une façon de voir la vie différemment. Je suis quelqu'un qui... J'ai un monde que, dans lequel je suis, sur lequel je domine, si je peux dire ça comme ça. Mais tout ça, l'unique raison, c'est que je puisse connaître Dieu, puis l'adorer, puis l'autre. C'est ça la vie. C'est ça. Il n'y a pas d'autre chose dans la vie, c'est ça. Je t'ai fait... Peu importe ce que tu es, peu importe dans quelle génération tu vas être, peu importe dans quelle culture, peu importe... Tu vas regarder autour de toi, puis tu vas voir, parce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains qu'à partir de la création, on voit deux attributs de Dieu. Sa puissance et sa sagesse. On voit ça, on ne voit pas d'autre chose dans la création. On ne voit pas d'autre chose. Je ne vois pas l'amour de Dieu dans l'art. Je ne vois pas la grâce. Tu vois sa générosité? Tout ce que Paul nous dit, c'est juste deux. On voit comme à l'œil nu les attributs de Dieu en regardant le monde. On sait qu'il y a un créateur, qu'il y a quelqu'un de puissant et d'intelligent ou de sage qui a fait ça. Mais Dieu, lui, il va mettre l'homme là, ce que la nature ne peut pas lui donner par rapport à lui-même. Il va en entrer en relation pour me le dire. Là, il dit, tu ne pourras pas voir dans ce que j'ai fait, me voir moi complètement. Donc, il va falloir que tu rentres en relation avec moi maintenant. Okay? Il va falloir que tu viennes, moi, que je te parle et que toi, tu me parles. Là, je vais t'en emmener plus d'informations. Et là, il va rentrer la question de l'arbre de connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Il va rentrer de l'information. Il va parler avec eux autres, il va jaser avec eux autres. Et il va le faire. Parce qu'il dit, tu n'en sais pas assez. Là. Tu peux regarder un arbre, tu vas savoir. Mais moi, je vais rentrer en relation avec toi pour que tu puisses me connaître. La nature ne t'en donnera pas grand, beaucoup de choses. L'ultime révélation qu'on a, c'est Jésus qui s'incarne. Dieu s'incarne lui-même. Là, je vais t'en amener encore de l'information. Et je crois que les nouveaux cieux, nouvelle terre vont nous amener encore de l'information. Donc, c'est un peu capotant de savoir que Dieu a tout fait ça. L'univers, tout ce que M. Webb, le Weber, puis Google, puis ce que tu voudras, tout ce que je peux voir, Dieu l'a fait. Puis il m'a donné, il m'a mis là-dessus comme la cerise, puis il dit, la seule raison, c'est que je vais avoir une relation avec toi. J'ai tout fait ça juste parce que je vais avoir une relation avec toi. C'est capotant, hein? De voir la gigantesque qu'il a fait pour que moi, je puisse parler avec lui, puis lui, il peut me parler. On va. Ça, là, on est avant le péché encore. T'sais? Mais t'imagines-tu le tu sais, quand il dit à Job une fois, là, tu vois-tu ces étoiles-là, Job? Là? C'est quand je leur ai donné chacun leur nom, là. Je t'ai pas demandé conseil, hein, Job. Non, hein? Tu sais, c'est de voir la grandeur que Dieu a dit. Tu sais, quittez pour me poser des questions sur ce que je fais, là. Tu sais, vois-tu t'expliquer ce que je fais? J'essaie de t'expliquer comment le soleil, je l'ai fait, le soleil, là, pour être amené à comprendre. Mais je te dis que je t'ai tout mis ça, là. Tout ce que tu as sur la terre, là. Et je te l'ai donné pour que tu puisses avoir une relation. Pour moi, ça, c'est... Si la vie de l'être humain passe aux côtés de ça, elle sert absolument à zéro. Ça sert à zéro. Ça sert à rien. Donc, le Seigneur nous aide à comprendre que tous les faux dieux de ce monde sont pas là, parce qu'ils n'ont aucune capacité de gérer le monde. Celui qui l'a créé, c'est Dieu, puis c'est Dieu qui a mis les lois, qu'on appelle les lois, parce que ça, les lois naturelles, qui gèrent ce monde-là. Le système se gère par lui-même, parce qu'il y a des principes. Vous avez vu des gens qui ont fait des écosystèmes dans des cruches? Ils mettent des affaires dedans, ils ferment la cruche, ils scellent ça, le monde existe. Ça se produit tout seul, c'est fait. On n'a pas à gérer ça quand on s'en mêle, absolument, on fait des conneries. Mais quand l'être humain... L'écosystème fonctionne par lui-même, il fonctionne par lui-même. Nous, on va mal utiliser. On aurait dû utiliser tout ce que Dieu nous a donné pour le glorifier, mais on va l'utiliser, nous autres, pour se glorifier nous-mêmes. C'est ça qu'on va être péché, quoi. Mais moi, je te l'ai donné, puis ça fonctionne très bien ce que je t'ai donné. Je te laisse une belle machine qui fonctionne. Tu vas-tu t'en servir pour me servir? C'est ça que je te l'ai donné pour ça. On va voir dans les semaines qui vont venir qu'on a pris une décision de ne pas faire ça. de prendre le système, de prendre le monde dans lequel on est pour pouvoir se glorifier nous-mêmes en plaçant. Et ce qui va nous amener la perte, notre perte. Michel, le repas du Seigneur? Oui. Bon, tu veux-tu m'aider pour essayer le repas? Ici. Ce matin, je méditais sur la création, sur la souveraineté de Dieu. Puis je pensais avant, quand Dieu dit au commencement, mais avant le commencement, il y avait juste Dieu. Puis je méditais sur le fait que dans sa souveraineté, Dieu avait pensé. Avait pensé au salut, avait pensé à la croix, si je peux dire comme ça, qui allait être accomplie par son fils Jésus. Déjà là, avant toute création, Dieu avait pensé à ça. Mm-hmm. C'est bon le cœur, en tout cas. Ça fait du bien. C'est ça que je veux se rappeler aussi, que le Seigneur Jésus, quand il était livré, le soir qu'il était livré, en prenant le repas, il a pris du pain, il a rendu grâce et après l'avoir distribué à ses disciples, il a dit « Mangez-en tous car ceci est mon corps livré pour vous. On va prendre le pain. » Ensuite, il a pris la coupe, et après avoir rendu grâce, il l'a distribué à ses disciples en disant, « Buvez-en tous, parce que c'est mon sang qui est répandu pour vous, pour la gloire de Dieu et pour le pardon de vos péchés. » Prenons la coupe. Que tu aimerais finir, François, par une autre prière? Seigneur, ça fait un peu drôle, je veux dire. On vient de terminer de lire la création du monde et tu nous as dit que tout était très bon. Qu'est-ce que ça vient faire, la mort de Jésus-Christ à la croix? Si tu avais tout ce que tu as créé était très bon, qu'est-ce qui est arrivé pour que finalement tu sois obligé de t'incarner et de mourir sur une croix? Qu'est-ce que l'être humain a pu faire pour briser ce qui était parfait, ce qui était très bon, ce qui était l'expression de toi-même, ce qui était qui exprimait le désir que tu as, le seul désir, je pourrais dire, que tu as, c'est d'avoir une relation avec nous. Qu'est-ce qui s'est fait? Je sais que la Bible va nous en parler, mais comme notre frère a dit, on est content que dans ton plan, c'était prévu, c'était orchestré, organisé. Mm-hmm. On ne t'a pas pris au dépourvu. Mais quand je finis avec la création, tu es un Dieu bon. Mm-hmm. Quand je finis avec la croix, je vois un Dieu juste, un Dieu qui frappe sur le coupable. Parce que tu veux rétablir cette relation perdue. Tu avais créé pour avoir une relation, elle a été perdue à cause du péché. Tu reviens, toi, t'occuper du péché pour qu'on puisse avoir une relation avec toi. Au Seigneur notre Dieu, des fois on est tellement occupé dans ce monde que notre temps avec toi peut laisser à désirer, comme on le dit. On est préoccupé par les choses qui sont là pour nous, pour te servir. Seigneur Dieu, fais qu'on puisse réaliser que la raison d'être pourquoi on est ici, c'est toi. C'est la seule raison. Sans ce sacrifice à la croix, il serait impossible de retrouver cette relation d'avant la chute. On te bénit, Seigneur Jésus, on te rend grâce, on fléchit le genou, on courbe la tête devant ce que tu as fait. Et j'ai hâte que le jour qui vient, qu'on va comprendre toute l'amplitude, toute la grandeur de ce que tu as fait. Ce jour que tu as été crucifié, ce jour où tu es mort, rend possible en nouveau cette relation qui est imparfaite encore aujourd'hui parce qu'on est encore si beau. Mais elle, vient le jour. Il vient le jour où est-ce qu'on va retrouver notre plaisir seulement qu'en toi. Qu'on va être préoccupé seulement par toi. Qu'on va penser seulement à toi. Qu'on va chercher de toutes sortes de manières pour te glorifier, t'exalter, t'élever. Donc, Seigneur, on te remercie que tu es patient. Tu es patient avec ton Église, tu es patient avec nous, sachant que tu vas compléter l'œuvre que tu as commencée en nous, afin qu'on finisse par te rendre l'honneur que tu mérites.